Bonjour à tous. Écoutez, je prends un petit 30 secondes de début d'épisode pour vous inviter à aller visiter sur legeekcollectif.com. On approche de la fin de l'année 2016 et on a besoin de vous, nos fidèles auditeurs. Vous êtes là au poste à chaque année. On veut vous remercier d'être avec nous. Et surtout, ben, on va vous demander votre aide une dernière fois cette année en allant remplir le sondage de 2016, les auditeurs contre-attaque, disponible sur legeekcollectif.com. Vous allez pouvoir vous exprimer sur les faits saillants de 2016. Qu'est-ce qui a su capter votre attention? Et ça va nous permettre de mettre en place notre épisode récapitulatif qui aura lieu en début 2017. Donc sur ce, ben c'est avec plaisir que je vous souhaite de la part de toute l'équipe du geekcollectif.com et du podcast un joyeux temps des fêtes, une bonne année, la santé, le bonheur, le succès, ben les jeux vidéo, ben du geek stuff. Et on se revoit en 2017 pour un nouvel enregistrement. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Nous sommes présentement mardi le 13 décembre 2016. Mon nom est André Paquette, accompagné de Guillaume Hamel. Hello! Salut Guillaume. Salut. En forme? Très. Good. Accompagné également de Jonathan Poké-Muslim-Milter. L'imam Milter. Poké-imam. Je sais pas de quoi vous parlez, mais... D'accord. Comment ça va, Joe? Ouais, bien. T'as bien une belle tuque. Ouais, cool, c'est ma soeur qui l'a faite. Ouais, on voit l'artisanat, c'est vraiment dans la famille. Elle fait plein de belles affaires en laine. Avant tout ça, sur Etsy? Je pense pas. Est-ce qu'elle va dans les mines? Si vous voulez, écrivez-moi, je vais vous shipper son profil. Puis, génial. Elle fait plein d'affaires, pour de vrai. Là, pour des vrai? Tucs, pas rien que de moi, là, mais genre une affaire de ma femme. Là, des tucs avec des ailes, pas des ailes, des oreilles de chat, puis un gros... collet qui descend. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Je m'arrange pour pas qu'il y ait de laptop gator. Ben, c'est loin un peu du laptop. T'avais de l'air de t'arranger plus pour en crissant la bière à terre. Mais... c'était Eric, ça. Ouais, c'est toi que j'ai vu, en tout cas. Ben, merci, Joe. Donc, accompagné également de Monsieur Eric. Bonjour, Hébert. Hébert. Ça va bien, André? Oui, toi? Oui, t'as une belle barbe. Merci, merci. Elle est bien trimée. Toi aussi. T'as une voix. Oui, mais juste pas trimée. T'as une voix mielleuse dans mes oreilles. Mielleuse. Guillaume aussi, t'as une belle barbe, très bien trimée. Puis, ben, Milter. Hey, Eric, j'ai remarqué ça. Fais donc un move. Tasse-toi 30 secondes. T'as fini Movember, mon petit. Ah oui, je l'ai enlevé. Ça causait des conflits dans mon couple. C'était pour ça que tu faisais ça? Un peu irrité. Ta barbe causait des conflits? Ouais, si on pourrait aller dans les détails un peu. C'est un dimanche matin, j'étais un petit peu grunky, tu sais, le lendemain de veille un peu, puis je pognais ses nerfs vite, puis j'ai venu pour embrasser Julie, puis elle m'a fait une face que j'ai détestée. Puis là, j'ai fait la baboune, puis j'étais allé dans la chambre de bain, je vais la couper ici, puis je l'ai rasé, puis j'ai sorti de ça, puis t'es bien content. C'est que ceux qui ont vu Eric, profitez-en, ça n'arrivera pas avant un autre 5 ans. Mais elle avait du volume, elle travaillait bien, puis je pense que ça va revenir dans un futur, dans mes quarantaines. Moi, je la trouvais glorieuse, ta moustache. Mais on sent, ouais, ça a pris combien de temps la pousser? Ça a pris environ 3 semaines avant qu'elle ait un volume qu'on remarque. J'aimerais aussi faire un shout-out à Schneider, la fille la plus on fleek à ma elle job. Elle a laissé sa moustache. Elle, à chaque fois que je la regardais à job, j'avais la grosse attitude, et puis elle signait à ma moustache. Elle disait non, ça là, tu peux pas. Elle faisait juger partout, puis la chicane avec Julie le matin, c'est ça. Ouais, mais vous auriez ri, par contre, c'était un beau conflit. C'était comme, je m'en vais la raser. Je veux pas critiquer. Grosse mais chicane de couple. Sans Movember, c'est tellement 6 ans passés. Barbe aussi, le Milter, là, mais on en parle. Les barbes, c'est 2 ans passés. Moi, je me rappelle d'une certaine photo lorsqu'André voulait partir à Occupation Double sans poil facial. Ah, ouais. Merci de plugger ce succulent morceau de mon patrimoine. Qu'est-ce que les gens voient pas, là, c'est qu'André en ce moment rougit. Oh, je l'aime quand il devient. Bon, ben écoute, tant qu'à être dans les histoires croustillantes, tu te mets de la compter comme du monde, hein? Fait que, dans une ancienne vie professionnelle, disons que j'ai un certain de mes anciens collègues, salut Pat, qui avait décidé de partir une page Facebook dans le temps que le monde partait des pages Facebook pour pas mal n'importe quoi. Pat, il écoute même. C'était un groupe. Ben, il a écouté une couple de fois. Tu sais, le genre de monde qui dit non, je l'ai écouté ton podcast. Ouais, ouais. Ils ont écouté une demi-heure d'un épisode, puis ils n'ont plus jamais retouché au reste. Ils ont fait, en réalité, une page où s'ils se rendaient, parce que bien sûr, ça c'est une discussion qui débute à la cage au sport avec une coupe de boc de bière, puis j'avais accepté d'aller faire les auditions d'Occupation Double si la fameuse page se rendait à 500 participants dedans, dont 500 likes ou peu importe, ou 500 membres du groupe. Ils se sont rendus à 498, thank God. Merci beaucoup. Donc, je me suis désisté et je n'ai pas participé à l'aventure, comme qu'ils disent dans ce jargon-là. Puis tu voulais tellement. Ah, écoute, honnêtement, je voulais tellement ne pas participer à ça. Moi, je t'aurais vu comme le Marie-Pierre des hommes. C'est qui, québécois. Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin. La number one fan de Brandon Prost. C'est déjà Éric Salvaire, le Marie-Pierre Morin des hommes. Oh, Éric Salvaire, c'est la même. On dit que Marie-Pierre Morin est lesbienne. C'est vrai qu'il vient d'Occupation Double. Prends n'importe quel rôle, genre, prends n'importe quoi. Hey, les gars, je viens de réaliser que vous connaissez pas mal votre Occupation Double québécoise. Non, mais Éric Salvaire, c'est un de nos éditeurs. Moi, j'y connais parce que, après, comme Kim Rusk. C'est qui, hein? C'est de Love Story. Je sais pas. Elle est animatrice à... Elle travaille avec Peter McLeod, puis elle a fait sa première partie d'humour, puis tout d'un... Elle a fait des bikinis, ça a l'air, puis tout. Puis en tout cas, c'est comme la matante... Cochonne? Elle a un père famous, elle aussi, me semble, là. Non, mais t'es animatrice, ça c'est elle, elle sort avec un gars des Respectables, tu sais, quand, en plus. OK, quand on vient de name drop des Respectables, d'habitude, c'est là qu'on arrête. On arrête le show, on met la clé dans le pot. Donc, afin de revenir à nos moutons, Respectables, ils fêtaient leur 25e anniversaire de band. On pourrait-tu dire que les Respectables, c'est comme les Aerosmith du Québec? Non. On pourrait vraiment pas dire ça. Il paraît qu'il y a une bonne part de lait dans Aerosmith. Fait que, guys! Wow! Sur ce, d'habitude, le collectif, on débute toujours depuis 85 autres calices d'épisodes. On débute tout le temps par l'actualité. Fait que, qui voudrait débuter et nous mentionner qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines? Moi, Shotgun the Last Call. Shotgun the Last Call. OK, fait parfait. Que, moi et Rick, on avait parlé. Ouais, moi, je vais commencer. On a préparé un genre de segway. Ah, oh, mais Chris! C'est des actualités, vous allez comme les dire les deux en même temps, comme juste notre segway va fonctionner quand même assez bien. Moi, une couple de petites choses en nouvelles. J'annonce, je le dis tout de suite ici, pour le monde qui écoute sur le chat, mais aussi, je pense que l'émission en sort avant le 31. Si, c'est ça, on sait jamais. Si t'entends ça, puis on n'est pas le 31 janvier encore. T'as manqué un esti de party. Ouais, t'as manqué un crise. Puis il y a de quoi être quand même assez écœurant. Arcade Montréal, on fait un événement, ça va être le premier jour de la veille du jour de l'an qui se fait à Arcade Montréal. Je vais être DJ puis animateur pour la soirée. Puis en plus de ça, il va y avoir plein de prix cool. Il y a Guillaume qui rappe la t-shirt. Il va avoir First Batch, ça en plus, si je me trompe pas. Non, c'est un OG t-shirt acheté à au Media VIP Opening. Ouais, c'est ça, c'est OG stuff. Mais ça va être assez hot, là. Il va avoir des prix à gagner. Il va y avoir une PS4 Uncharted à gagner. Wow! Un kit de Nintendo. Nerd Complete Inbox. Ouais. Un kit de SNES. Puis tout ça, si tu participes avec... Il y a un S, mais pas la classique. Non, pas la vraie. Oui. Il va avoir deux options. Tu peux soit payer 7$ l'entrée bien normale comme d'habitude, ou tu payes 35$ puis c'est open bar jusqu'à minuit. Est-ce que quelqu'un comme moi qui boit pas de bière a le droit à un open bar s'il paye 35$? Oui. Ben, c'est quoi, tu vas prendre de la bière? Parce qu'il y a de l'exception quand il y a les drinks, là, les Long Adventure Iced Tea, puis les Ramen Coke, puis... Je connais pas tous les détails, mais à ma connaissance, c'est du basic stuff. Tu peux avoir open bar sur les bières, des affaires comme ça. Puis sûrement, il va y avoir des rum and coke, etc. Mais je veux pas mettre dans mes pieds. Au pire, il y a rien qu'à aller à Arcade Montréal puis leur demander. Mais c'est ça, il va avoir ça, puis ça va être un crise de party. Les pieds dans la bouche, puis se mettre dans la marde, mais toi, t'as mis les pieds dans la marde. Puis ça l'est mis dans la bouche après. Hashtag franco-ontarien, c'est que je t'adore. Hein? Mais ouais, il y a ça, ça va être un gros party, puis si tu l'entends ou si tu y vas, ça va être vraiment la place à aller, on va avoir un crise de fun sale. Ça a l'air qu'il y a un esti de bon DJ animateur en plus ce soir-là. Je commence à être pas mal confiant de ma job, ouais, je fais une pas pire de job avec ça. Aussi, dans les news un peu, pas de news, mais dans genre qu'est-ce que tu joues? J'ai pogné Final Fantasy XV, puis je voudrais parler un peu de Final Fantasy XV avec vous autres. Fait que moi, Final Fantasy XV, il est sorti, j'ai attendu une semaine avant de l'acheter, puis quand je l'ai acheté, c'était toute une semaine de je voyais le monde jouer, j'avais essayé le démo, puis j'ai comme, ah, je veux-tu m'embarquer, mais je joue toujours au nouveau Final. Moi, Final, j'aime qu'est-ce que c'est. Pis le monde sont vite à chier dessus sur le boy band qui se promène en char, des affaires comme ça. Ouais, ça a l'air qu'un humoriste québécois pas bon qui est dans le cast de Final 15. J'ai vu ça Alex passer. Alex Roof. Pas besoin de chier sur Alex Roof. Là. Ah non, c'est juste un jugement de valeur personnel. Guillaume et son hate. En passant, Alex Roof qui vient de passer sur 3 bières. Excellent à 3 épisode. Bières. Excellent for work. Podcast, mais pas toujours des bons invités, ça tu veux dire? Sacrement, t'es donc... Oh, donc tu ben, croisé puis t'envoies ben chier. T'es bien négatif à ça. Oh non, ben... Dans tes cornflakes, ils se sont déjà battus, je pense, sur ben, ce c'est ça, on dirait que Guillaume va nous sortir de quoi, c'est Alex Roof. Là. Non, juste que c'est une graine. Tabarnak! Ce que j'ai appris dans le temps, avec des années d'expérience d'animation de podcast, parce que maintenant je peux dire des années, do not feed the hate. Plus tu poses de questions, plus qu'il va être désagréable. Je fais juste exprès, là, je continue. So, Final Fantasy XVI, je l'ai pogné finalement, parce que je voulais. Puis je vais pas parler de qu'est-ce que le monde aime chier sur le jeu. Moi, je le trouve absolument exceptionnel. Tu vois vraiment Square qui ont mis du cash dans ce jeu-là. C'est un excellent jeu. C'est un final qui se passe dans un... c'est toujours les mondes fantastiques spéciales à la Squaresoft. Celle-ci, ça se passe dans un genre de cross entre 50s, road trip, diner, route 66, type of vibe. Je sais que ça sonne weird que je dis de même, mais c'est ça. C'est toutes les choses que j'aime ensemble. Ouais, t'as ça, puis c'est un monde fantastique. Moi, j'aime ça, des jeux comme Final, surtout dans le monde, l'univers qu'ils ont créé dans Final 15. J'aime ça imaginer que c'est la planète Terre dans comme 200 000 ans, tu sais, comme, tu sais, les humains sont encore là, mais on a évolué, puis il y a plein de shit qui se passe, t'as des ruines partout, tu sais, les anciennes civilisations sont parties, on est rendu ce qu'on est. Puis l'histoire est super le fun. J'ai joué le jeu environ 2 heures, 3 heures. Après ça, j'ai découvert qu'il y avait un film. J'avais pas compris toute l'attaque médiatique que Square avait faite. Il y a un film sur le jeu, dans le jeu? Qu'est-ce que j'avais pas catché, parce que j'avais vraiment pas suivi. J'avais vu une couple de gameplay du jeu, puis j'étais comme, OK, ça a de la cool. Si je la jette en... comme, je vais l'acheter. Mais j'aimais l'idée, puis j'ai confiance dans Squaresoft, puis comment est-ce qu'ils vont apprêter un jeu comme Final. Puis ce jeu-là, ils l'ont vraiment bien apprêté. C'est beau. Juste pour te dire une idée de comment est-ce que le jeu commence. Le jeu, la première affaire que tu fais dans le jeu, c'est que les gars... qui est une crew, toi t'es un prince qui est là avec ses boys, puis il s'en aille se marier. Lui, il s'en va se marier, puis il est là avec ses meilleurs amis, puis il est dans une aventure en road trip, dernier road trip pour se rendre à une place, faire un mariage politique, mais c'est quand même une femme qu'il a toujours connue, toujours eu des échanges avec. Puis la première scène, c'est le merveilleux char, la régalia, puis je vais en parler un peu plus du char après, mais ce char-là, il est broken down. Puis la première scène, c'est les trois dudes avec un gars qui conduit en train de la pousser avec un esti de cover écœurant de stand-by. Puis ça set le ton. Là, parce que là, dès que t'es dans la rue, le char roule lentement. Tout ce que t'as, c'est la caméra qui se promène dans la courbe. J'ai des frissons juste à y penser puisque je trouvais ça vraiment beau comme moment. Puis tu vois l'infini du monde qu'ils ont fait. Tu vois tout ça qui est écœurant. Puis avec la fille qui chante Stand By Me... Pis là, t'arrives dans un truck stop, pis c'est ça. Les truck stops, c'est comme des villages. Dans chaque truck stop, ben, t'as un cook, il y a de la bouffe. La bouffe, on dirait qu'ils ont mis un budget $1 million juste pour faire la bouffe belle, à bien apprêter. À chaque fois qu'il y a un plat qui se fait mettre ou que t'achètes une nouvelle assiette de bouffe qui donne un buff, ils sont toutes des belles assiettes avec de la belle bouffe que tu jurais que tu pourrais manger. Pis j'aime le concept que les truck stops à la 50s, à la Route 66, c'est comme des stops de villages dans où ce que t'achètes, tu revends, etc. Sid, en passant, n'est pas une fille. Je sais que tu penses que tu jokais de ça l'autre fois. Mais pas c'est... encore, t'es pas rendu au bout où tu changes de sexe. Mais Sid, c'est le grand-père, puis il y a sa petite fille qui prend un petit peu les rênes. S'appelle Sid. Elle s'appelle pas Sid, mais c'est elle un peu qui prend le rôle de Sid. Mais Sid, il est toujours là aussi, il va modifier tes armes, etc. Paraît que le meilleur bout, c'est quand Noctis nail la partie de Aquaman avec son manager, puis que son cousin il veut avoir une part dans une télésérie, mais il chiale tout le temps. Là, pis... Ben, j'aime que tu essaies de faire un lien entourage avec ça. Puis c'est vrai, il y a l'aspect de du crew des Boys qui sont bien. Aquaman est dans Entourage. Tu n'as jamais vu Entourage? Non, Entourage. Okay, écoute, ben, Entourage. Ça, c'est toute une autre émission qu'on pourrait passer là-dessus. James Cameron, Aquaman. OK. Ah, OK. Mais tout ça pour dire que le jeu, Milton, il comprend rien. On fera un show juste sur okay. Entourage, puis tu vas comprendre. Le jeu, il est super beau. Le système de combat, je l'apprécie énormément. Le système de combat, c'est pas du time. T'sais, le c'est monde, comme Kingdom Hearts, apparemment. Ça ressemble beaucoup à Kingdom Hearts, mais tu peux pauser aussi. Moi, ça me fait penser un petit peu à beaucoup du BioWare stock aussi, où en plein combat, tu peux juste tout pause. Puis tu peux set up pas vraiment des stratégies, mais tu fabriques des spells, affaires comme ça, puis tu essaies des manières de contrer. Les animations sont hot. Noxus, il y a une mécanique où ce que il lance son épée puis il porte, t'es toujours en train de porter à des places. Puis ça fait un lien aussi, comme je disais, où ce que je savais pas de la grosse attaque médiatique qu'ils ont faite. Puis je pogne le film Kingsglaive parce que je suis comme ben là c'est quoi ça? Moi je suis 3 heures dans le jeu. Sean Bean il meurt-tu dedans? Sean Bean il meurt dans le jeu. C'est ça l'affaire qui est weird, c'est que je veux pas faire de spoiler pour le film ou le jeu parce que moi je fais jamais ça sur le Geek Collectif. Mais qu'est-ce qui est hot dans ça, c'est que ton père à Noxus, au début, il est dans son. Comme il a envoyé Noxus pour aller marier une fille pour que deux royaumes se mettent ensemble, tu sais, classic fantasy shit, dans un monde très weird. Puis là, après ça, Noxus, pendant qu'il est parti, ben, son père puis leur royaume se fait trahir. Puis, ben, le père se fait tuer. Son père se fait tuer au début. Sean Bean. Puis oui, c'est Sean Bean qui voit sa voix. Mais moi, tu vois juste ça dans le. Quand tu joues le jeu, t'es dans 2-3 heures dans le jeu, tu vois tout ça qui arrive. Puis là, t'es comme fuck, c'est intense quand même. Grosse attaque de fou, comme animation écœurante, mais ça prend juste 5, même pas 5 minutes. Puis là, ça, je découvre Kingsglaive. Mais Kingsglaive, le film, c'est tout avant ça. Fait que quand tu regardes Kingsglaive, c'est un excellent film japonais, style japonais, mais animation à la Squaresoft, dans le tapis. Vraiment écœurant. Puis tu vois tout. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce moment-là? Fait que le film, lui, il finit au début du jeu. Fait qu'il y a une transition seamless que je trouve absolument écœurante. Donc, on comprend que c'est mieux d'écouter le film avant de jouer. Ben, moi, j'ai écouté le film après avoir joué. Fait que moi, j'ai aimé ça parce que il y avait des trous dans l'histoire que je catchais pas trop, j'étais comme ça va s'expliquer plus tard, mais quand j'ai découvert le film, ça s'explique avant puis j'ai aimé mon expérience pour ça. Il y a un animé aussi que j'ai pas vu encore, mais dans le film t'as les Kingsglaive qui sont genre une équipe élite de soldats. Ben tu t'y vois les combats en animation style film où ce qu'ils sont en train de se téléporter partout comme que tu fais avec Nexus. C'est écœurant. C'est moi où ils changent de nom à chaque phrase. C'est Noxus, non? C'est Nexus. Le prince. C'est pas mal ça. Puis tout ça pour dire que le jeu lui-même, excellent. Comme j'ai dit, j'ai joué 3-4 heures. Mais le fuck dans tout ça, c'est que Dead Rising 4 est sorti. Milter, comme qu'on sait, on partage nos comptes de Xbox. Puis Milter, il a acheté Dead Rising 4. En fait, hackers. Il a acheté. Ouais, on a hacké notre affaire. Hackers. Puis j'ai fait l'erreur d'embarquer. Puis j'avais déjà joué à les Dead Rising. J'ai les tout essayé au début. J'ai jamais vraiment reviré fou pour un Dead Rising, mais j'ai toujours aimé le fun de Dead Rising. Puis le 4, j'ai pas pu arrêter. J'ai pas touché à Final depuis que Dead Rising 4 est sorti. C'est pas à cause que Final il est pas bon. C'est juste que Dead Rising, c'est comme un grind fest. C'est meilleur. C'est pas meilleur. Je dirais pas que c'est meilleur. C'est différent. C'est meilleur. Différent. Parce c'est que plus c'est brain différent. Dead. Final 15, ben oui. Faut que tu penses en crise. Faut que tu lis. Dans Dead Rising, y a rien à lire. Y a peut-être des passes de caméra où est-ce que t'es en train de prendre des photos pour faire tes investigations. Ouais. Mais c'est sacrament que Dead Rising 4 il est bon. Puis c'était un peu ça le segue que moi et Milter on avait planifié. Oui, je vais parler de Dead Rising. Parce que je pense que Milter va parler de Dead Rising. Oui, ben c'est comme ça fait tellement longtemps que j'attends ce jeu-là que je m'y dis. Mais ils l'ont vraiment. Dead Rising, je vais sûrement en ajouter pendant que Milter en parle. Mais je m'amuse énormément avec ce jeu-là. J'ai pas pu arrêter. J'ai fait du multijoueur un peu. Je suis rendu à Case 5 dans l'histoire. Tu checkeras de quoi de bon? Je vais parler de quoi de tantôt. OK, ben l'histoire, je m'embarque dedans. C'est du gros popcorn de jeu. C'est du gros n'importe quoi. Puis on dirait qu'en juste en parlant en ce moment, j'entends le son de les zombies qui se font tuer par mon char que j'essaie juste de beat le hit count à Milter. Pas facile, hein? Mais je me suis pas appliqué à 100%, mais fait ça va arriver, je suis pas loin. J'en conclue, Milter, que tu vas donc nous parler de Dead Rising 4. Oui, oui. Juste avant, je voulais mentionner trois petits points. C'est pas comment ça marche un segway, Milter. Ben oui, on a fait un segway que je vais en parler, mais c'est avant d'oublier. First, Eric, tantôt, il a fait un genre de deux mix de jeux de mots, là. Mais aujourd'hui, je n'ai vécu un d'un trucker jamaïcain. Un Jamaican dude qui est venu livrer de quoi à job. On parlait de même parce que ça faisait deux fois que je le voyais dans la journée, puis nanana, c'était juste drôle. Puis il me dit carrément un moment donné, il dit, j'aime ce, comment, c'est quoi, on appelle ça un proverbe? Il dit, j'aime ce proverbe-là. On ne peut pas avoir le beurre avant d'avoir tué l'ours. Là, j'étais comme. Non, c'est qui? C'est Charles Patnaud qui est venu te mais livrer? Non, ou... il parlait comme Boucan dit au flug des gros dreads, là, pis tout, là. Ah. Il était cool, le gars, mais quand dans il m'a dit ça, j'ai... Dans le fond, il m'a dit, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas tuer l'ours. On peut pas il a parqué son Romano Fafard de reculons, ouais. Pis... il on peut pas spécial. Avoir la peau de l'ours avant d'avoir... Mais ça m'a pris un bon 5-10 secondes, faire que c'est qui parle, pis là, j'ai fait le lien comme Guillaume vient de mentionner. Deuxièmement, j'ai eu un rendez-vous chez l'ORL ce matin. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Otorino de la laryngologiste. Peut-être. Moi, je le savais pas, mais le j'ai gars été abonné qui, à ça, moi, quand pour j'étais ton jeune. Nez puis tes oreilles, là, genre, les sinus puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est surtout pour mon nez puis mes sinus qui sont fuckés depuis que je suis jeune. Puis c'est juste assez fucké. Le gars, il me parlait très spécial, là, tu sais, très casual, tout, tu s'approches de moi. Il me rentre une genre d'aiguille dans le nez molle, là. Mais que t'as l'impression qu'elle monte pis qu'elle va te gratter le cerveau pis t'es comme, ah, tabarnak. Tu sens comme la scène dans The Matrix. Ouais. Là, tu brailles en même temps parce que... Exactement ce que j'allais dire. Tu y parles bien normalement pis t'es en train de verser une larme du bord qui te rentre ça. Là, t'es comme, tabarnak, ok. Il ressort ça, rentre de l'autre bord. T'es, ah, ok. Fait que c'est juste fucked up. Puis, ce qui est encore plus fucked up, c'est que ça avait aucunement rapport avec la procédure que tu t'en allais faire. C'est comme un move à la Rocket Raccoon. C'est lui, ça. Il a juste dit à son secrétaire, il dit check bien ça, mais il rentrait une seringue molle dans ben, le nez. Ben, il fallait qu'il check mes sinus, dans un sens, ah, là, mais, en tout cas, il y a des développements à venir. Parlant de développement, j'ai eu des résultats de ma vasectomie. Oh, ben. Je suis officiellement stérile. Entre mots, tu t'es crossé dans un pot. Oui. Mais ça, puis là je vais parler de Dead Rising. Après ça, de crosser dans un pot. Le jeu est écœurant. En parlant de crosser dans un pot, oh, j'ai Rising. Joué à Dead Rising 4. Mais c'est quasiment ça. C'est ça, je te dis, c'est propre. C'est très propre. Mais c'est un jeu incroyable, une raison d'acheter une Xbox One, parce qu'il y a de la peau. Une One S. Une Xbox One S, ouais, aussi bien l'acheter avec Dead Rising 4. Parce qu'acheter une Xbox One, tout court, vous allez avoir de la misère un peu ces temps-ci aussi. Peut-être. Quoi, il n'y en a plus? Non. C'est pas mal ça. Ok, ben, aussi bien d'acheter la S, anyways. Pareil que quand tu joues sa S, t'as 5 zombies de plus dans l'écran. Mais c'est pas grave ça. Pour de vrai? Oui. Non. Processing 5, power for 5 the win. Dynamic quelque chose. Parce qu'il y en a tabarnak à part non, tu sais, il y en a plein. Là. Il y en a vraiment beaucoup plus que dans les premiers. Là. Mais le jeu first, première chose que j'ai remarqué, il est crissement beau. Vraiment plus que les autres. Là. Le visuel, ils l'ont step up vraiment. Ils ont enlevé le timer, il y en a qui sont déçus, oui. Ils disent c'est moins hardcore, il y en a qui aiment ça encore plus parce que c'est plus libre. Moi personnellement, je m'en fous un peu, j'ai pas remarqué de contraintes. Fuck le timer. C'est pas ouais, je sais pas, ça autosave aussi, il y a plus de toilettes puis tout. Malgré que en reminder des autres jeux puis tout, les toilettes, il y a tout le temps de coups de bombe cachés dedans. On s'entend que en 2016 là, t'es mieux d'avoir un autosave là. Ouais, mais ça rajoutait au challenge du jeu dans le sens. C'était une autre façon d'approcher le jeu. Là. Star, c'est vraiment plus free, prends ton temps. Une affaire qui me déçoit un petit peu, mais en même temps, c'est normal. Il y a juste une fin. Il y en a pas 7-8 comme attends avant. Attends, les DLC? Ouais, il va en avoir d'autres ouais, DLC. Mais c'est sûr, mais c'est pas, tu sais, t'achètes un jeu, t'achètes pas le DLC encore, je peux pas. Ben, je pense que t'as joué. En fait, je pense que t'as fait exactement ça. Oui, moi, ça. J'ai acheté le DLC tout de suite, mais il est pas sorti, je parle, pis le, tu sais, je peux pas le juger tout de suite sans avoir joué. Hein. Mais ça, avec, j'imagine. Attends un peu, Internet ne serait pas d'accord avec toi parce qu'Internet juge avant que le stock sorte. Est-ce que je suis Internet? Oui. En partie, mais. Pas toutes. Je suis pas la partie qui juge avant. Okay. Mais j'imagine oui. que de toute façon, il y en a qui sont contents d'avoir juste une fin parce qu'il doit en avoir qui ça les gosse d'avoir comme plusieurs fins aussi. Ben, peut-être, là, mais puis ça faisait partie du charme un peu du jeu. Là, c'était old school, je trouve. De parce qu'à Star, tu fais quelque chose dans un jeu, t'as un achievement. Oui, c'est cool. Dans Dead Rising, tu fais quelque chose, t'as un cadeau en plus des fois d'un achievement. T'sais. Fait que là, c'était le fun d'avoir telle fin ou faire telle sauver tant de nombre de survivors si tu veux. Le chapeau de police, le suit de Mega Man, tu sais, c'est un petit perk, mais ça te donne une raison, comme dans le temps, pourquoi que tu jouais à tel jeu puis que t'essayais de ramasser toutes les étoiles parce que, ou les 10 paquets cachés dans Grand Theft Auto parce qu'il débloquait un gun, tandis qu'à Star, il débloque juste un achievement quand t'en as 50 ou, tu sais, whatever. Mais, en tout cas, le jeu, il est vraiment bon. Ils ont amélioré ça. C'est quoi qu'ils ont fait? Il y a du collectible, là, justement, là, aussi, là. Ça, c'est quelque chose. Peut-être pour le temps, là, il y en a en tabarouette. Il y a des mysteries cachées, de l'histoire que tu veux de plus en trouvant des journaux, plein de story fillers et bonus. Il y a du monde qui disent qu'ils ont remplacé les psychos par des maniaques, puis c'est de la merde. C'est quoi la différence entre un psycho et un maniaque? Ben, les psychos, dans le temps, il y avait comme un peu des time, t'sais, un time moment, là, il est là entre 6 et 10, mais t'sais, il n'y a plus de timer, ça n'a plus de sens de pas avoir, t'sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Ok, fait que mettons, là, la grosse différence, c'est que le méchant, il punchait à 5h15, puis là, il était comme, hey, faut choisir à la plaza, genre, en haut du stand de yoga, il de 6h à 10h. Son culte, je donne mon show, puis après ça, je m'en retourne, Dieu sait où. Puis là, le monde, il se plaint que c'est tout le temps? Ben, il se plaint qu'il n'est plus là. Pis que là, il va popper random, pis que ça va être juste un petit call qui dit « Hey, investigate the rumors. » Ben, c'est plus ouais, réaliste. Mais en fait, j'en ai pas fait, moi, de ça. J'ai tombé dessus par accident. La seule affaire, je pense, que le monde chiale, c'est qu'avant, il y avait une grosse mise en scène pis des vidéos assez épiques pis drôles de avant pis de comment qu'il meurt après. OK. À Star, c'est ça que je comprends pas, parce que je l'ai tué un la dernière fois, puis j'ai eu une vidéo là, de lui qui mourait, puis c'était quand même du drôle. Tout. Il y a peut-être moins de profondeur, ça, je suis d'accord. Attends, fait qu'Internet chialerait pour rien. Moi, je trouvais que c'était pour rien, ça. Puis les maniacs, drôle, des fois, c'est une gang. C'est pas juste un overpowered dude qui est un clown qui spin avec des chainsaws. Ils sont comme 8-9 normal dudes qui ont trouvé une armure, t'envoies habillé en joueur de base, t'sais, avec une armure de catcher, exemple. T'sais, c'est juste des gars comme toi, c'est juste que toi t'es Frank West pis tu torches. Une chose que j'ai remarqué aussi, pis j'ai été vraiment agréablement surpris, j'étais à 30% de l'histoire, de fait j'arrive level 50. Ça a toujours été level 50 la maximum. C'est rendu quoi maintenant? Je le sais pas, je suis rendu level 69. Ouais, mais c'est ça, t'avais remarqué sûrement dans les dans les points là, dans les level up là, tu voyais qu'il y a des affaires à 65. Non, j'avais pas regardé vraiment parce ça. Parce que moi, je me suis rendu, j'étais pas rendu 50 encore. Je me suis rendu compte, parce que je pense que j'ai maxé Blunt Weapon, des affaires comme ça au début. Puis je verge en tabarnak avec mes battes de baseball, puis des affaires que tu fais. J'ai juste maxé du survival, mes weapons, c'est normal. Fait qu'en réalité, Dead Rising 4, selon toi, c'est une amélioration, une régression. C'est une amélioration sur certains points. C'est une évolution. Mais je peux-tu parler? Moi, j'aimais beaucoup le old school aussi, fait que tu sais. Je les aime les deux, mais Rick... Comme gars qui a toujours joué, mais qui a jamais reviré fou sur les Dead Rising, Dead Rising 4, je veux finir. Je vais le finir. C'est rare que je veux finir un jeu, moi. Puis pour moi, c'est toujours une marque d'un jeu où ce que j'y pense, puis je veux le finir. On dirait que la perception... Moi, j'ai fait Dead Rising 1 et 2. Deux mondes complètement différents. J'ai fini le 1, j'ai pas fini le 2. Moi, le timer, c'était une porte d'entrée qui était difficile pour moi. Ben justement, j'avais le choix de m'investir dans plein de jeux, puis là, c'était comme, OK, je suis pas assez hardcore pour le timer, puis faire les conditions, puis le kit. Là, le fait qu'il soit un peu plus accessible, il n'y a plus de timer, fais juste faire du fun. Moi, j'ai le goût de jouer à Dead Rising 4. Ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, c'est le genre de jeu que t'es pas obligé d'embarquer dans le story. Tu peux pogner la manette, puis pendant 3 heures, tu bâches des affaires, tu te promènes, tu sautes en haut d'un building, tu trouves un blueprint, tu fais, oh yeah, je peux faire un nouveau gun, tu sais, ou... Moi, j'ai des questions pour toi, étant le gars qui est en train de triper sur Dead Rising. Avant que moment. Je dise le major game-breaking bug. OK, parfait. Tant que ça nous donne du cash. Non? Non. Tant que ça respecte 3 minutes. Ça dépend d'Eric. Ça dépend d'Eric. Garde, question simple comme ça ici. Fait qu'il y avait, est-ce qu'avant, il y avait toujours des hideouts à level up? Non. Fait que ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Fait que moi, j'aime bien le fait que tu trouves des survivors. T'as des hideouts dans le 3, mais t'es level pas up. Comme dans l'autre jeu de zombie là, qui avait sorti sur Xbox 360 là, que tu pouvais faire augmenter les niveaux des, State of Decay, ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ben là, ouais, c'est juste sauf des survivors. Puis le saver est comme thanks, peace out. Il s'en va, c'est comme même si je peux me rendre au safe house d'ici. Puis tu sais, c'est comme un safe house, il y en a quatre par genre de district. Ok. Fait que si tu le sauves dans tel district, il va à tel safe house, naturellement. Nice. Puis là, genre, si t'en sauves 5, tu passes level 2, 7, level 3, 10, jusqu'à level 5. Puis dans les safe house, t'as des vendeurs de food, de cars, clothing, puis location. Map, ouais, location. Puis là, t'achètes les maps. Puis les maps, plus que tu level up, plus que t'en as qui débloquent. Ouais. Pareil pour le linge puis ces affaires-là. Puis les maps, ça te donne les places, des blueprints sur la map. Ça te met des bleus. Y en a que c'est les journaux. Il y en a que c'est des podcasts que tu trouves qui parlent de zombies. Il y en a que c'est des articles de ta collègue journaliste que tu cherches un peu là, dans l'histoire. Puis c'est ça. Là. L'autre question que j'avais, c'était les exosuits. Est-ce qu'il y en avait avant? Non, ça c'est. Fait que ça, c'est nouveau la mécanique d'exosuit. Carrément nouveau. Parce que ça, là, les exosuits là-dedans, là, je trippe bien raide. Puis quand t'en pognes un, je suis sûr que toi, ton hit counter, t'as gros, tu l'as tué avec un exosuit? Il me semble que ouais. Ouais, avec l'exosuit qui crache de la glace, je pense. Là, il y a une mission, tu sors. Je pense pas que c'est de la glace, mais je vargeais dans le tas. Là, man, les exosuits, je sais même pas comment l'expliquer, là, mais tu pognes un exosuit, puis là, il est comme, yeah, Frank, il met ça, puis il revient fou. Puis après ça, tu vas tomber sur un crate, c'est comme un military upgrade. Là, tu cliques là-dessus, puis là, ouais. L'exosuit, il devient encore plus intense. J'ai pogné hier un vacuum upgrade, ouais. C'est tabarnak. T'aspires tout, tu garoches des zombies partout. C'était comme Kirby sur l'acide puis le speed. Puis une autre note que je suis sûr que t'étais pas peut-être touché, mais le feel de Noël. C'est le genre de jeu là, que le monde va recevoir pour Noël, puis ils vont peser pause. Puis le monde, ils vont juste laisser la musique aller. Là. C'est écœurant, le soundtrack était écœurant pour de vrai. Fait qu'en terminant, messieurs, de Rising 4. Je peux utiliser le Bob? Certainement. Eric a parlé de les safe house, puis du multiplayer. Moi, j'ai testé un peu le multiplayer. Moi, quelque chose que j'ai remarqué, puis que j'ai pu approfondir sur Internet, puis que je suis loin d'être seul qui a eu le même bug et que supposément Capcom sont déjà en train de travailler là-dessus. Quand tu joues à 1, puis moi, je suis rendu case 5, puis tu fais des safe house, tes level up, puis qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. C'est tout va bien. Là, tu vas jouer en multiplayer, puis moi, j'ai joué avec deux personnes que j'aime bien, que je connais. On a joué en fin de semaine passée, je suis monté level 20 online, là, let's go, tout est beau. Je ferme ça, le lendemain, je m'en vais jouer à mon solo campaign. Moi, je pensais que ça avait un lien avec ma story, parce que je voyais, ça avait un lien avec ma story. Un gars, un de mes safe house, il se fait genre attaquer, puis tu vois le monde sont à terre, comme, puis oh, il saigne, tu sais. Fait que je m'y dis, ah, c'est normal, ils sont blessés, fait qu'ils sont pas en train de me vendre du linge, des armes, puis des affaires de même, tu sais. Fait que je vais faire la mission, je bats le gars, nanana, je reviens, ils sont plus là. Ah, ouais. Là, je vais dans un autre safe house, il y a pas personne. Là, je me rends compte que ma safe house, c'est marqué level 0, 0 survivors. Ah, ils sont fait tuer. Non. C'est un bug du jeu que quand tu vas jouer en multiplayer puis que tu reviens, tu payes toutes tes safe house puis tout. Puis moi, j'ai un survivor. D'habitude, t'as un point bleu sur la map qui dit event nearby, qui est un survivor, genre, ou de quoi. Quand tu vas le sauver, ben, il se pousse puis il va au safe house. Mais là, le point bleu, il reste éternellement là. Même si j'y vais puis je cherche, il n'y a pas personne, mais il y a un point bleu. Puis ça dit, à place de event nearby, ça dit survivor saved. Fait que c'est comme, il y a un point bleu qui me dit qu'il est sauvé là, fait mais qu'un jeu de Capcom buggy. Exactement. Donc, mais c'est drôle aussi, là, parce que tu parles de les zones bleues avec les serveurs que tu pognes, mais souvent, faut que tu tues des zombies alentour. J'ai eu un bug, moi, avec ça aujourd'hui, où ce que faut que tu tues tous les zombies alentour. Puis quand il en reste genre comme 3-4 zombies, ben tu vois les têtes de squelettes, c'est disant que c'est les derniers blanches. Zombies à tuer pour la quest. Mais il y a genre comme 1000 zombies pas loin qui entendent du shit. Fait que quand t'en tues deux puis il en reste un, mais là tu as un autre 15 qui apparaît. Ça m'est arrivé. Ben, c'est pas un bug, mais il rentre dans la zone puis toi t'es comme tabarnak. Et là ton bat de baseball, même parce que oui, je prends souvent le bat de baseball. Fait que Dead Rising 4 disponible sur Xbox One. C'est excellent. À part le petit bug qui fait un peu chier, mais ils sont en train de régler ça. Puis j'ai lu qu'une façon de le régler, c'est de refaire les premières cases. Tu sais, tu reload une case parce que ça, c'est quelque chose. Dans ce jeu-là, t'as plus de timer, puis une fois que t'as fait les cases, tu peux les refaire. Ouais, mais tu sais, tu peux partir case 3, case, tu sais, t'es pas obligé. Un peu comme dans Metal Gear Solid 5. Ouais, un peu. T'es pas obligé de repartir du début tout le temps comme l'autre, là. Tu sais, cool. tu fais que tel bout. Fait qu'il dit, tu vas dans la case 1, 2, là. Excellent jeu. Tu ressauves le chose. Fait que... Ben, génial. Moi, de mon côté, j'ai deux petites actualités, puis je vais faire ça très rapidement. Premièrement, j'ai écouté une télésérie disponible sur Netflix, puis je suis allé explorer le Netflix, que peut-être certaines personnes vont être intimidées un petit peu, mais j'ai écouté 3%. 3% qui est une des premières productions brésiliennes Netflix en portugais, qui est un peu un genre de The Island, Gattaca, etc., où la population est arrivée à un holocauste ou peu importe, et il y a une île où la société réfugie l'élite de la société, donc les 3% de la société vont sur cette île-là. Pis, ce qui doit être bien, eux autres. C'est apparemment que c'est l'utopie, ou etc., mais le coût à payer, c'est que 3%... premièrement, je l'ai écouté en portugais. Je me suis forcé. Je l'avais mis en anglais, puis j'ai fait comme « fuck it, t'es capable d'écouter des animations japonaises en japonais sous-titrées. Pourquoi t'écouterais pas le jeu d'acteur portugais? » C'est bien mieux, je trouve. Je connais personne dans cette direction-là, mais j'ai mis le sous-titre pour le comprendre. Ouais, parce qu'en portugais, tout court, moi, j'aime je te contrer un autre histoire. Comme tu dis, dans la langue originale, si j'ai le sous-titre, parce que tu as le feeling beaucoup plus de l'acteur. C'est pas un cartoon que tu es capable d'imaginer qu'il fit ou de quoi. Là, c'est ça. Puis le feeling d'acteur est super important en 3% parce que c'est très psychologique. Dans le fond, c'est que... Trece C'est la seule affaire que je suis capable de te dire. Puis ils disent « process », qui est le process de sélection des 3%. Okay. Fait qu'en réalité, c'est ça, c'est qu'il y a comme une genre de place que, une fois par année, les gens peuvent inscrire leur candidat. Je pense qu'il faut que tu aies 20 ans à partir de... C'est moins de 20 ans ou à partir de 20 ans, je me souviens plus exactement, mais... Long story short, les gens s'inscrivent, puis là, ben, première étape, tu t'assois, puis quelqu'un te passe une entrevue pour voir, tu veux-tu vraiment être dans le process, tu veux-tu vraiment devenir les 3%, es-tu capable de renier à ta vie que tu as présentement, parce qu'il y a un certain sacrifice aussi à faire afin de faire partie des 3%. Fait qu'en réalité, tu sais, il y a comme, c'est très psychologique, c'est très bien réalisé, c'est ce que j'intitule la sci-fi, pas agressive, c'est pas de la science-fiction dans ta face, tu sais, c'est pas des gros robots puis telle affaire, des sabres au laser puis des aliens puis des affaires de même, tu sais, c'est très humain, c'est très psychologique comme série. Moi, j'ai adoré ça. Sauf que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui donneront peut-être pas la chance compte tenu que c'est en portugais, mais ça vaut la peine de l'écouter. C'est produit par Netflix? C'est produit par Netflix. Puis c'est pas, y a-tu les voix? Netflix, d'habitude. En fait, il l'a en anglais, en portugais, en espagnol, en français, toute l'équipe. C'est juste que c'est pas le feeling comme on parlait tantôt. T'as pas le feeling, puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je l'ai mis en anglais, le portugais n'est pas une langue qui s'articule nécessairement comme l'anglais. Fait que ça ressemblait à un vieux film de kung-fu des années 50, super mal dubé, là. Fait que moi, j'ai adoré ça, cette série-là. J'espère qu'ils vont faire une saison numéro 2 aussi. Bien que ça pourrait se terminer avec la saison 1, puis ça serait parfait comme ça aussi également. C'est combien d'épisodes? Si je me trompe pas, il me semble que c'est 8 ou 9 épisodes. Ouais. C'est pas super Netflix, long. C'est leur genre. C'est intimidant un peu au niveau de la langue, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que ça, c'est la première chose. 3% sur Netflix, allez écouter ça. Ça vaut vraiment la peine. Surtout si vous aimez un peu tout ce qui est thriller psychologique. Deuxième chose, jeux vidéo aussi également. Ben, ces temps-ci, c'est la saison de l'année où il y a un paquet de jeux qui sortent, des gros blockbusters, des grosses multiproductions. Et pour ma part, je suis sur Watch Dogs 2 encore. Je l'ai pas terminé. Je le joue, je l'apprécie à petit feu. Puis j'avais besoin d'une distraction. Puis en fin de semaine, j'ai téléchargé... En fait, il y a quelques temps, quand il y a eu PSX, la grosse conférence de presse de Sony, ils ont annoncé un jeu de Grasshopper Manufacture, donc Suda51 Represent, pour ceux qui se souviennent d'excellents jeux. Acid and Shrooms. Exactement. Et pour faire comprendre à quel point Suda51 peut être un peu flyé, imaginez-vous un Hideo Kojima qui essaye pas d'être sérieux. Donc, il y a aucune raison derrière ça. Autant que Kojima va être très philosophique, vous comprenez pas mon histoire, etc. Suda51, c'est vous comprenez pas mon histoire, mais c'est dans vos dents, ça a pas de sens, mais vous voulez jouer pareil. Donc, le jeu que je vais vous parler, c'est Let It Die, qui est disponible en téléchargement sur PS4. Un jeu qui est gratuit présentement, en plus. Ça a été releasé le 3 décembre 2016. C'est un jeu de type hack and slash. Donc, imaginez-vous un peu un genre de Dark Souls, Bloodborne. Fait que c'est un jeu qui est un peu plus frustrant. Donc, on se monte un personnage et on doit franchir les 30 étages de la Tower of Barbs. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en franchissant les 30 étages de la Tower of Barbs, ça nous permet justement d'atteindre le top et aller chercher des blablabla. OK, on s'en calisse un petit peu. Donc, Suda51, il y a comme un train qui arrive, puis là, dans le train, il y a comme des carcasses humaines pluguées après des tuyaux. On se réveille, on est une de ces carcasses humaines-là. On rencontre la mort, qui est... je me souviens même plus c'est quoi son nom, mais en gros, c'est la grande faucheuse sur un skateboard avec un masque avec des OLED. Un accent espagnol, genre. C'est même pas australien, je sais même plus. Mais en réalité, il nous fait jouer sur un système vintage, un jeu. Fait que c'est comme un jeu dans un jeu. C'est vraiment weird. Sauf que le gameplay est le fun. Fait qu'en réalité, on joue à un genre de Dark Souls, donc on doit franchir les étages. Quand on crève... Donc, on tombe mort, notre équipement reste sur notre corps, tout le kit. Et là, c'est très Internet culture qui embarque. Ton corps devient un haters. Donc, un hater, qu'est-ce que c'est? C'est que ton corps revient à la vie puis attaque tout ce qui bouge autour. Donc, si nous, autour de la table, les quatre, on serait en train de jouer à Let It Die ensemble, puis moi, je crève, rendu à l'étage numéro 3. Puis là, Milter, toi, tu viens d'arriver à l'étage numéro 3, tu passes par où je suis mort, tu vas rencontrer mon hater qui va t'attaquer. C'est juste... avec tes amis ou avec tout le monde? Je ne pourrais te dire parce que j'ai pas fait mes recherches assez en profondeur, donc je vais inviter les auditeurs à pouvoir nous bonifier s'ils nous écoutent présentement sur Facebook et sur Twitch. Mais en réalité, j'ai croisé des level 16 quand j'étais level 3. Juste ce matin, j'ai un de mes chums qui m'a envoyé un texte, il me dit « Je viens de te croiser, tu viens de me tuer. » Fait que là, je me demandais de quoi il parlait. Ensuite, j'ai réalisé « Let it die ». Le jeu, il est quand même cool. Tu trouves des armes, c'est comme... C'est fucké parce que c'est très néo-post-cyberpunk, gothique, weird, apocalyptique, assumé. C'est ça que j'aime, Eric, t'apportes un mot super important sur Suda51, c'est assumé. Ça a pas de sens, c'est du bonbon visuel, c'est très flyé, c'est très fucké. Le jeu n'aura peut-être pas des jambes super longues, fait que ça sera peut-être pas un jeu qui va vous durer pendant 6 mois de temps. Il y a du replay value dedans, il y a beaucoup d'unlockables. Ça vaut la peine, puis il est surtout gratis. Vous avez votre PSN Plus présentement, il est gratuit. Allez le télécharger, puis essayez de jouer à Let It Die. Ajoutez-moi sur PSN, aux Imaki QC, on va se faire un fun de partager nos haters ensemble. C'est mais c'est un bon jeu, puis les armes sont cool. Justement, écoute, j'ai tué un gars qui m'attaquait à grands coups de fer à repasser. Il y en a un autre, il y avait une masse. L'autre, il y avait un gun à clous. Tu trouves des équipements, des armures, des affaires de même. Il y a bien du stock, puis c'est juste le fun. Fait que Let It Die, pour la modeste somme de Fuck All, un jeu de Suda51, Grasshopper Manufacture. Il y a sûrement des microtransactions. Pas de ce que j'ai vu. Ben, il y a des microtransactions dans le jeu parce qu'il y a un écosystème. Check ça, OK, c'est super cool. Tu peux acheter une assurance dans le jeu. Fait que t'as plusieurs monnaies. T'as de l'argent, t'as des death points, t'as d'autres affaires. Puis... en réalité, là, tu peux t'acheter une assurance. Fait que si tu crèves, tu peux respawner à cette place-là, mais ça te coûte de l'argent. Puis plus tu crèves, plus ça te coûte cher parce que là, t'es à risque de mourir, puis etc., etc. Il y a un écosystème qui est quand même vraiment intéressant dans ce jeu-là. Puis c'est juste du bonbon visuel. C'est super cool. Le soundtrack est fun, puis le art style est cool aussi. Là. Juste dire aussi le monde, comme que t'expliques, là, c'est le monde post-apocalyptique, mais toute la planète est à chier. Puis on est à une place qui est comme un genre de tour de Babylon. Ouais. Parce que tous les humains se sont rassemblés là. Puis c'est une grosse tour. Puis je pense que le jeu, tu sais, c'est le plus haut que tu peux te rendre. Ben c'est ça. La Tower of Barbs, dans le fond, qu'il faut que tu montes au 30e étage, qu'il y a un gros trésor, tout le kit. Puis c'est même pas genre celui qui franchit la Tower of Barbs va avoir la vie éternelle. Non, non, fuck off. C'est un gros crise de trésor, puis tu vas bien vivre dans le monde post-apocalyptique. Je tiens juste à terminer en disant que la faucheuse, donc la mort qui se promène en skateboard, juste vous donner un exemple de Suda51, sa faux, donc le gros truc qui coupe les têtes, se transforme en bâton de golf doré qui menace le monde, tout le kit. C'est juste nice. C'est juste fucking nice. Je l'ai pogné hier, justement, j'ai pas joué, comme je te disais, puis juste j'ai vu gratis, puis le petit bonhomme cool avec le petit skate, puis sa faucheuse, j'ai fait. Il y a une scène, là, direct au début, là. Direct au début, la première fois que tu le vois, là, il te lance un random comment qui est comme, tu sais, c'est le monde que t'es revenu en vie, c'est comme t'as le train. Je pense que tu te réveilles, il y a un train, hein, pis t'as des corps dedans, pis là, toi, tu te fais réveiller, genre, ben, random. C'est que tu peux avoir plusieurs corps, en réalité, parce que quand tu crèves, tu peux reprendre un de tes corps parce que t'as un frigidaire à corps. Fait que quand tu crèves, tu peux reprendre n'importe quel autre corps dans ce frigidaire-là, ou je pense que t'as un maximum de 3 corps que tu peux avoir. Mais c'est juste nice, c'est assumé, pis c'est léger. Là, j'avais aimé quand on le voit à la mort la première fois, il dit un petit speech, puis après ça, tu le vois, il part en skate, puis juste à la distance, il trébuche puis il tombe. Ouais. Ben, puis, tu sais, à un moment donné, même, tu sais, au début, il dit, bon, ben, je pense que c'est le temps de voir le titre du jeu. Là. C'est le moment où on voit le titre du jeu. Fait que la mort, à part, puis là, un moment donné, il fait un kickflip, puis tu vas en dessous de sa planche, tu sais, c'est marqué Let It Die, puis c'est là que ça part. Fait que, en réalité, Let It Die disponible sur PS4 live là. C'était exclusive. Mon actualité cette semaine. Présentement, je pense que c'est exclusif. Je l'ai pas vu sur Xbox. Ça a été ou développé Steam. Principalement en partenariat avec Sony, puis Grasshopper. Fait que je pense que ça va être exclusif, puis ça va le rester. Unreal Engine 4, en passant sur le jeu, super fluide, c'est vraiment le fun. Allez l'essayer. Guillaume, je te cède la parole. Oui, je vais terminer ça et je vais essayer de terminer ça en beauté. Pour faire changement, je vais pas parler de jeux vidéo. Du sarcasme. Puis je vais parler de bande dessinée. Hey! Mais avant de parler de bande dessinée, je vais parler de ce que j'ai fait il y a exactement 2 week-ends. Plus précisément, le 1, 2, 3 et décembre, j'ai descendu en voiture à Philadelphie pour le WordCamp US. Nice. Donc, on va un peu geeker out à propos de web design. C'était le WordCamp US. En gros, c'est la plus grosse conférence WordPress en Amérique du Nord. C'est la conférence aussi centrale mondiale. Là. Il y en a une grosse en Europe, mais l'espèce de... C'est comme l'équivalent de la conférence Apple où ce que Steve Jobs faisait son speech dans le temps. Mais de WordPress. Steve... Ouais, exact. Mais là, maintenant, on n'a plus de Steve Jobs. Mais on a Matt Mullenweg, qui est le genre de Steve Jobs de WordPress. Qui? Matt Mullenweg. OK. Donc, Es-tu riche? Oui, mais pas... pas Steve Jobs. Non, mais il est pas... c'est pas une espèce de mégalomane riche, là, tu sais, qui change genre sa Mercedes à chaque 30 jours parce qu'il veut pas payer ses frais d'immatriculation. Il est pas Steve Jobs riche, il est genre... c'était quoi? Il c'est est pas Wozniak riche. Wozniak riche. Mais, ben, je disais... Je veux pas rentrer là-dedans, mais WordPress, c'est une mentalité qui est vraiment différente de tout ce qui est... Silicon Valley. C'est open source. Oui, mais c'est vraiment comme équitable. Ils veulent inclure tout le monde, puis c'est des fondations, puis c'est pas... Mais c'est les vraies valeurs de qu'est-ce qui se passe sur l'Internet. Fait que c'est le plateau Mont-Royal du web design. Sans le snob. Puis le monde qui crée... Fait que c'est la promenade maçon du web design. Sans les sans-abri. Fait que c'est Saint-Henri du web design. Go, qu'est-ce que tu vas dire à ça? Je sais pas, je connais pas assez Saint-Henri. La petite Bourgogne. Checkmate. Je pensais que tu vas dire sans les Anglais. Non, je peux pas. Non, il y a beaucoup d'anglais dans le WordPress. Mais donc c'est ça, j'étais là-bas, j'étais là pour justement pour ma où ce que je travaille, mon travail, mais aussi pour moi. C'était très très très enrichissant, ça va me servir aussi pour par exemple, pour le Geek Collectif, parce que, évidemment, je suis un fan fini de WordPress et notre site roule avec WordPress. C'est ce qui nous permet d'avoir toujours un site à la fine pointe de la technologie. Exactement. Et j'en ai profité en même temps, parce que je vous écœurais pas trop avec le web design, pour aller visiter, comme je fais à chaque fois que je pars en voyage, des magasins de bande dessinée. J'avais fait de la recherche avant de partir pour faire une présélection. Arrête donc. Ben oui, pas le choix, tu sais, je partais avec ma copine et je voulais pas non plus dire hey, on va faire le dimanche avant de revenir à Montréal, on va faire 14 millions de magasins. Non, j'en ai choisi 3. Pourquoi? Ben, j'ai été voir sur Google ceux qui étaient les mieux cotés et j'avais été poser des questions dans les groupes de collection de comic books sur Facebook pour avoir un peu les avis des gens. Donc, j'ai été visiter Brave New World qui est dans le genre de Mile End de Philadelphie, dans le vieux Philadelphie. J'ai été voir Ontario Street Market et j'ai été voir aussi Amalgam Comics and Coffee Shop. En gros, qui est aussi dans l'équivalent du Mile End. Non, pas du tout. Ces deux derniers-là sont proches l'un de l'autre et sont dans le genre de quasi ghetto hood où ce que je me promenais, puis je me sentais vraiment comme dans l'intro de Fresh Prince of Bel-Air, genre avec les. Moi, j'ai juste une question pour toi. Les clichés, genre. Quand tu dis le Mile End de Philadelphie, là, c'est-tu comme genre l'inverse de notre Mile End où tu sais, t'arrives là-bas, puis c'est un quartier de francophones snob qui bouffe des croque-monsieur, mais qui est... Non, c'est des grilled cheese de luxe, là, mais ils sont tous français. Je pourrais dire peut-être le Brooklyn de Philadelphie. C'est comme des belles petites maisons plus anciennes, proches de l'eau. C'est un petit quartier. T'es-tu fait prendre à bout de bras par une gang de blacks qui jouent au basket puis qui t'ont tourné en rond? Non, j'ai resté dans ma voiture et j'ai... Mais tout ça pour dire que si jamais vous allez à Philadelphie, je vous recommande fortement Brave New World, qui est proche du centre-ville. Ça se voyage très bien, ça se fait à pied. Excellente boutique. Ça se fait à pied, dépendant t'es où? Quand t'es au centre-ville. Ouais, mais... Non, le centre-ville est fait, et pas comme Montréal, où ce qui est fait comme une banane, c'est vraiment c'est carré point, rond. Okay. Hein. Ça se fait quand même bien. Tout se fait bien à pied. André est comme, I'm out! Mais ils disent que Philadelphie, c'est pas un centre-ville que tu fais en voiture, c'est un centre-ville que tu marches. C'est une belle boutique, c'est une boutique qui fait hommage aux fans des BD. Tu sais, c'est une place que tu te sens que les gens aiment la BD, qui prennent soin de ce médium-là. Il y a des belles décorations, des figurines. Si on voudrait comparer à ce qui se fait à Montréal, ça serait un peu comme le Million Comics sur Jean Talon. Mais en mieux, en plus récent. Les gens sont vraiment sympathiques. Ensuite, j'étais au Ontario Street Market. Ça, là, écoute. Mais de un, c'est Ontario. Fait que déjà là, on sait que ça va être bon et propre. Écoute. T'as déjà été au marché aux puces Saint-Michel? Ben oui. Imagine ça. Fois 1000. En magasin de comics. Hein? Fait que c'est pas propre. C'est pas propre. Ça sent les boules à mythes. Genre. Tu sais, le plancher de bois, genre, que tu dis qu'il est... Le monde t'a recommandé, ce place-là? C'est une des places les mieux cotées sur Facebook. C'est le genre de place que je pourrais aller trouver des vieux... Comme je pourrais trouver, genre, des vieux IGN des années 90, des vieux magazines de jeux vidéo, des affaires comme ça? Peut-être si tu fouilles puis t'as beaucoup de temps. La raison pourquoi je parle du marché aux puces Saint-Michel, la place, t'es comme dans un genre de centre industriel. Puis là, il y a comme un pick-up avec... le gars, il a mis une palette de bois sur son top, puis il y a comme plein d'affaires de bande dessinée. Tu sais que c'est là, puis c'est écrit genre dans la porte d'entrée. « Hey, vote pour nous autres pour qu'on soit le meilleur magasin de comic book sur Google, genre. » Mais honnêtement, là, c'est le seul magasin que j'ai rien acheté. Ouais. J'ai rien acheté là-bas. Ma blonde m'attendait dans le char. J'ai dit « Ah, ça sera pas long. » J'étais prendre des photos comme undercover. Il y a un article qui va s'en venir bientôt sur le Carnegie pour tout ça, là. Mais premièrement, ils disent que c'est le magasin qui a le plus de comic book dans l'est des États-Unis. Je pense pas que ce soit vrai, mais il y en a en sacrement. Mais sûr qu'il est Austin, il est stable. Ouais. Mais le problème, c'est que il y a pas une crise de bin qui est en ordre alphabétique ou en ordre de marque ou en ordre de whatever. C'est que là, tu pognes une bin. Tu peux juste imaginer. Là, tu feuillettes, t'es comme Spider-Man, Superman. Hulk, lui, dans le fond, il achète des déjà. Non, mais check la face à Guillaume. Là, comme, on connaît Guillaume assez bien. Les films se sont touchés, là. Non, mais genre de shit OCD qui va le faire virer fucking fou. Non, mais là, au contraire, moi, si. T'as-tu commencé à organiser le shit pour eux? Non, mais j'aurais pu. Mais. ma femme m'en voulait pas dans le Imagine la place, là. Hey, c'est huge, là. C'est vraiment. J'essaie de. Il y a là une figure comparative. T'as pas survie longtemps là-dedans, hein, Guillaume. C'est mettons, trois fois le Supercube Vidéotron de Mont-Royal. En dimension. Ça a de l'air de rien. Fait que c'est au moins 15 000 pieds carrés. Ça a de l'air non-descript, mais tu vois. C'est le genre de place que tu te dis, m'a y aller. Quelqu'un va venir me dropper là avec mon lunch. Je vais arriver genre à 8 h le matin. Puis tu dis, viens me chercher à 9 h à fermeture à soir. On se fait un road trip, Guy. On retourne à Philadelphie, tout puis moi. C'était combien d'heures de route pour aller à l'hôtel à côté? 7h30. De route sans s'arrêter, 7h30. On prendrait l'avion, tout puis moi. Mais. T'as pas de casier judiciaire? Honnêtement, en tant que fan. Non, j'ai pas de casier judiciaire. Ok, c'est bon, on essaye. J'ai quand même réussi à passer les douanes puis à revenir, tu sais. On sait pas depuis. Ouais, en effet. Mais j'ai pu. Ils m'ont laissé rentrer. Ok. Mais, pour la fan de BD. Ah, puis en passant, la raison pourquoi j'ai été à Ontario Street Comics, c'est là qu'ils ont filmé le film Indestructible de Night Shyamalan avec Bruce Willis et Samuel Jackson. Ils tournent une des scènes dans ce magasin de BD. Okay, moi, j'étais sûr que ça avait été genre l'usine de fabrication des jouets de Short Circuit. Il y a juste moi live là, quand j'ai entendu Indestructible, je souhaitais intérieurement que ce soit le film avec Stallone puis What's His Name. Non, c'est Destruction c'est Man. Demolition Man. Mais c'est Los Angeles. Quand il a dit M. Night Shyamalan, j'ai fait comme... Lui, il parle du film avec le petit gars qui voit des morts puis que Bruce Willis est mort. Non, mais le film avec M. Night Shyamalan, il est bon. M. Night Shyamalan, c'était bon. M. Night Shyamalan, c'est Bruce Willis qui est mort. Avec le petit gars qui voit Bruce Willis comme un héros puis que le Black, c'est un vilain. Puis là, le petit gars, il dit, asti, vous êtes mort, je vous vois. Mais c'est Samuel Jackson. Mélange le film, mais c'est pas grave. Hein? Ouais, anyway. C'est pas là-dedans qu'Uma Thurman, c'est mais honnêtement, tout fun, le comic qui va là, aimerait ça. Mais puis la face, il y a énormément de filler random des années 90 dans ce que j'ai regardé. Mais tu sais, il y en aurait pour 8 heures à fouiller. Et la dernière boutique, la raison pourquoi j'y avais été, c'est la première boutique aux États-Unis qui est propriété d'une femme noire. Ce qui est en, tu dis, crime en 2016. Black Comic Book Lives Matter. Women. Et c'est, Rick. C'est, elle a eu aussi un, dans le. Je savais pas quoi répondre. Il y avait un Iron Man numéro 1 qui vient de sortir. Avec la Black Woman. Ouais, ben, c'est que, spoiler, la nouvelle Iron Man est une Iron Woman noire, de 17-18 ans qui étudie au Iron Man. Et qui étudie au MIT. Non, ben. Ça pourrait l'être. Ça fait 8 mois qu'ils ont annoncé ça. Exact. Mais elle, cette boutique-là a été une des variant covers. C'est, en fait, tu sais, des fois, Marvel va faire une série spéciale où n'importe cool, quelle ça. Boutique peut soumettre. Elle joue un variant cover. C'est qu'eux, ils en impriment, mettons, 10 000. Puis là, il y en a 1000 avec le Millennium de Montréal. 1000 avec la boîte à BD de Laval. Mais tu sais, c'est juste comme un stamp qui intente. Mais là, c'est vraiment un artiste qui a fait un cover où tu vois la nouvelle Iron Woman avec la propriétaire de la shop. C'est cool. Qui sont sur une table, puis t'as genre Tony Stark en background qui parle avec des fans. Puis la boutique est vraiment nice, puis je trouve ça cool parce que c'est un concept qu'on n'a pas à Montréal. Encore, à part qu'il y a l'acteur qui a ouvert de quoi à Schlaga qui se rassemble un peu à ça. L'acteur? Il y a un acteur de télé qui a ouvert une boîte de boutique, une boîte de magasin de BD. Une boîte de BD à Schlaga. Mais c'est ça, c'est que c'est un coffee shop. Tu peux acheter ton café, ton sandwich, puis t'as des BD un peu partout. Puis Christy, les prix sont vraiment bons. Exemple, puis je voulais finir avec tu peux pas les lire. Oui, tu pourrais, à la limite, mais théoriquement... Faut que tu la jettes pour les lire. Oui, c'est ça, mais c'est normal. Attends un peu, c'est intéressant, il disait qu'il finissait avec ça. Oui. ce que j'ai vécu au Amalgame, c'est quelque chose qui... Tu sais qu'on dit « Always trust your instinct, always... » Toujours faire confiance à ses instincts premiers. Ouais. J'ai croisé une bande dessinée. Venom numéro 1, un variant cover pour pas le nommer. Et j'ai dit, ben, tu sais, c'est pas le cover que je voulais, tu sais, c'était 10$ US. Puis tu sais, j'ai déjà quand même dépensé dans l'autre boutique avant. Puis j'en avais déjà deux dans les mains. J'ai dit, tu sais, je vais être mode, tu sais, je veux pas trop exagérer. En gros, ta blonde t'attendait dans le char. Je m'en allais dire exactement ça. Ma blonde m'attendait dans le char. C'est que je dis, bon, pas grave, là, tu sais. Elle va me trouver bien smart de pas l'avoir pris le 10$ US. Bon, pourtant, c'est comme genre 75$ canadien, tu sais, 10$ US. Hey, en tout cas, reste de même. Je reviens ici, puis tu sais, je suis comme, je reviens dimanche soir. Là, lundi, là, c'est comme ça me gosse. Je suis comme, fuck. On va voir sur Internet, là. La BD se vend minimalement genre 150$ US, puis elle monte jusqu'à 500. Puis moi, je l'avais là à 10$. Puis j'ai comme hésité, mais mon premier gars, c'était je l'avais dans mes mains, puis je partais. Tu l'as avec. Pas acheté? Non, puis je le regrette en esti. Il a vendu ça en ligne? Non. Puis ça, ce variant-là, pour votre information, c'est un one per comic book shop. Retourne-y, ça vaut sûrement la peine. J'ai contacté la boutique par Facebook Message, parce qu'il y a une page Facebook. It's gone, buddy. Mais je pense qu'ils doivent pas monitorer leurs médias sociaux tant que ça. Il aurait fallu que je les appelle en longue distance. Soit ça, ben ils ont reçu le message de Guillaume, puis ils ont fait taper un gars de Montréal. Je me souviens d'un comic qui avait dans mon... 150$! Mais non, c'est que si vous allez à l'étranger ou tout simplement à une boutique qui est loin de chez vous, à Québec ou à Trois-Rivières, ah non, mettez-les sur votre cadeau. Peu importe, là, puis vous avez un gut feeling, trustez votre gut feeling. À part si c'est de la cocaïne. Je parlais de bande dessinée. Puis vous êtes sur un bateau de croisière. Mais la personal story, André. Non. Non, je le sais. Moi, déjà, en masse à smuggler du vodka sur les bateaux de croisière, là, c'est du stress. Mais c'est payant. C'est pas bon. Mais il y en a en crise. Pour les fans de BD, il y en a en crise des magasins BD à Philadelphie. Ouais. J'en ai rien que fait trois. Aux États-Unis en général, Guillaume. Mais il y a des villes qui essayent mieux que d'autres. Dans le Canada anglais. André faisait une référence des jeunes Québécoises. Las Vegas aussi sont forts en BD. Mais merci, Guillaume, pour ton non-profit au profit du podcast. Ah, oh, je vais catcher la joke, André! Mais okay, oui, c'est oh! ça que j'ai dit! Bon! Okay, mais quelles deux jeunes québécoises qui ont amené de la poudre sur un bateau de croisière? Et puis celles qui ont fait la tournée des journaux de Montréal. Connes, ouais. Okay. C'est ça. On n'entend plus parler. Fait que, ce que je vous propose, on va prendre une fake pause, parce que le rec va quand même très bien, fait que on va prendre un petit 2-3 minutes, oui, en fait, pisser. Plus 2 que 3, puis on va résumer ça, puis on va embarquer dans le sujet principal. Ça fait déjà une heure qu'on enregistre. Donc, de retour dans 2 minutes. Donc, all right. Fait que, guys, ouais, on start ça. Oui. Okay, oui. Excellent. Placez vos micros, soyez confortables. C'est un départ. Donc, place ça. De retour de cette courte pause. Guys, sujet de cette semaine. Pam, pam, pam. C'est vraiment, vraiment crucial. On va démystifier quelque chose qui c'est une question d'actualité. C'est une question qui est pertinente de se poser à ce temps-ci de l'année. Premièrement, c'est... On va parler des jeux de party. Oh. On va parler, parce que là, on entre dans l'ère de... Ben, j'ai un brunch dans ta famille, mais là, ouais, mais moi, c'est la veille, puis là, moi, c'est le réveillon, puis là, on s'en va aller avec mes parents dans le chalet, puis on va aller... Fait que là, il y a plein de parties qui arrivent partout, à gauche puis à droite. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Il y en a qui c'est des corvées, il y en a qui sont pas des corvées. Mais il y a une chose qui perdure, peu importe le party, c'est les jeux de party. Chaque famille a une tradition fucking bizarre d'un jeu weird que vous jouez. Il y a des jeux normaux que les gens amènent. Puis il y a Twister tout nu. Il y a Twister tout nu avec ma tante Ginette qui est toujours un winner. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, on s'est préparé un peu d'avance avec des idées, des suggestions, des trucs qu'on joue. Ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu tout court, ça peut être un drinking game aussi pour les parties avec les amis. Fait qu'on va parler de ça un peu tous ensemble, mais moi je veux savoir premièrement, vous autres dans votre entourage, quand vous faites un souper ou un social gathering, donc un événement social, jouez-vous à des jeux avec votre monde? Ouais. Oui, oui. Ouais. Moi, je suis pas un public super facile, malheureusement, mais fais... En général, là, on dirait que... La règle, c'est jeu. Oui, ben, c'est jeu c'est au ça, sens large. Ça peut être un ça. Jeu de société, mais, un jeu Mais je dois vidéo, dire que dans ma belle famille, ils sont... Attends, je me replace devant le micro. Dans ma belle famille, ils sont... Témoins de Jéhovah? Non, pas encore. Okay, okay. Pas encore? On sait jamais. Est-ce que l'avenir nous réserve? Hein? Non, sont quand même assez forts là-dessus, justement, mes belles-sœurs. J'ai des amis aussi qui aiment bien ça, mais au niveau des jeux de société là, assez comme complexes. Là, j'ai joué à Civilisation en jeu de société. Ça met à vie d'un party, ça. Ben, ça le finit, là. C'est pas mal, la tune de Nickelback à 2h53. Ce qui était le fun, c'est aussi une fois, je me rappellerai toujours de ce party-là où on était soit un souper de couple, puis on essayait de comprendre Zombicide en étant toute la gang chaudasse. Ça n'a pas été très productif. Mais ça, j'avoue que ça a été mémorable, mais pas parce qu'on a joué, parce qu'on n'a jamais été capable de jouer. Mais non, je sais pas. Mais je pense que des fois, il y a l'intention de jouer qui est meilleure que le jeu en tant que tel. Parce qu'il y a des jeux que, honnêtement, t'as tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui dit hey, « on joue à ça, ça va être cool! » Puis en réalité... Tu parles de quelqu'un qui est genre over, genre stimulé. Genre... Ben c'est ça. Puis tout le monde fait comme « ok, on va te donner la chance, on va l'essayer ton jeu de marde. » Puis après, c'est le temps de le setup. Ah, on est là, d'expliquer les règles. C'est ça. Fait qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon jeu de party? L'alcool. OK, l'alcool. C'est fait qu'on a bon l'alcool point. D'un point. Milton, selon toi, un bon jeu de party, c'est quoi qui... L'interaction entre les gens. OK. Fait que qu'est-ce que tu veux dire par interaction? Ben, faut que le monde parle entre eux autres. T'es centré sur toi-même, tu fais rien que brasser un dé puis que t'avances, là. T'sais, faut que ce soit un jeu discussion ou quitte à faire, je veux pas nommer de suite des jeux, là, mais mettons des catégories ou des jeux de mime-moi quelque chose, là, t'sais, là. Ou, un peu comme Guillaume dit, tu mixes avec l'alcool, le monde niaise, c'est drôle, c'est le fun. Génial. Fais-moi un dessin style, là, tu sais. Éric, toi, qu'est-ce que tu penses qui fait un bon jeu de party? Du gambling. Du gambling, OK. Attends un peu. Du gambling. De l'argent. OK, fait que legit, toi, tu veux des gageurs. Ouais. Ben, j'ai toujours eu ça, là. J'ai toujours joué, j'ai joué aux dames de pique pour des 5 sous, là, avec mes grands-mères quand j'étais jeune. Récolter les 2-3 piastres pour aller acheter des stickers pour ton livre à collant. Aussi je fais beaucoup dans ma famille on fait beaucoup du poker, des tables de poker. OK. Puis tu sais tu fais des buy-in là, puis t'as tous les jeunes, tu vas à la table des jeunes, la table des adultes, Puis ben les jeunes ils ont de l'argent qu'ils ont reçu pour Noël, fait qu'ils sont tous prêts à faire des... les parents ils repognent leur argent qu'ils ont donné aux jeunes. Non, mais dans la famille c'était souvent c'est séparé, soit les games d'adultes puis les games d'enfants. Ok. Mais c'est ça. Moi, je dis pas que c'est juste ça, mais ça met du piquant. Ils ont déjà. Fait que de l'interaction, de l'alcool, du gambling. Ouais. Fait que mis à part un salon de jeux illégal asiatique dans le sous-sol d'un. Des pipes chauds. C'est des pipes. Mais des malaises, honnêtement. Mais ça prend des malaises pour être un bon jeu de party? Si c'est un party d'amis, les malaises, selon moi, c'est comme le secret qui fait lever la sauce. OK. J'ai même un exemple pour toi. Moi, je vais te dire que ça dépend le niveau que tu vas créer le malaise. Tu sais, si tu sors une histoire d'adultère ou de, tu sais, je sais pas quoi, dans le joke. Oui, j'ai un exemple concret que je peux donner et qui va, vous allez me voir peut-être d'une façon, ça va peut-être faire sortir mon petit côté du Bad début de l'épisode. Boy, Guillaume. Alors, on a un jeu qu'on joue avec nos amis qu'on appelle les boulettes. On appelle ça les boulettes parce qu'on fait des boulettes j'ai de papier. J'ai déjà joué aux boulettes, effectivement. Avec Tink et nous autres, je sais pas, là, mais c'est que tu fais des boulettes de papier, puis là, il faut que tu essaies de défaire le plus rapidement possible, puis il y a quoi l'écrit dessus, puis il faut que tu as comme trois paliers au jeu. La première fois, c'est qu'il faut que tu te fasses deviner ce qui est écrit sans dire ce qui est écrit dessus. La deuxième fois, il faut que tu le mimes, puis la troisième fois, tu as rien que le droit de dire un mot, puis il faut que les gens... c'est plus que ça va, plus que les gens se rappellent ce qui a été écrit. Et dans ce jeu-là, j'ai joué au Nouvel An l'année passée. Donc, ceux qui se rappellent, c'est deux semaines exactement après la sortie de Star Wars The Force Awakens. Et chaque participant écrit trois bouts de papier. Mon premier papier était le Millennium Falcon. Mon deuxième papier est Jar Jar Binks Sucks. Et mon troisième papier était Han Solo meurt. Tabarnak, party de Noël. Non, c'est un party d'amis. Fait que moi, pis il y en a qui avaient écrit des noms de joueurs de soccer européens pas prononçables. Il y en a qui avaient écrit des trucs sexuels. Mais moi, j'ai écrit... Han Solo meurt, je la catch pas. Ben parce que c'était deux semaines après la sortie du film, j'étais le seul qui l'avait vu avec ma blonde. Wow, là, quoi? C'est que j'ai créé des malaises parce que la personne est en train de la personne prend la boulette, le bout de papier, lit Han Solo meurt. Doit faire deviner cette phrase à tout le monde. Mais Han Solo meurt? C'est que j'ai spoilé le film à genre 30 personnes qui n'avaient pas vu le film. J'étais bien fier de ma shot. Peux-tu juste faire un test? Gingembre. Martin Deschamps. Yes, OK. Fait qu'on... Excellent. Tu peux y aller, Guillaume. Donc, c'est un genre de malaise que j'ai adoré créer. Entre un bon team. Et c'est un genre de malaise, justement, où quand la personne lit la boulette, que tu vois la face de déception, genre que tu viens du spoiler un film, puis qu'elle devine que c'est le spoiler du film, puis que tu viens de voir, genre, l'espèce de d'étincelle qui s'est éteinte, puis après ça, elle doit assez. Puis là, quand t'es pas capable, tu remets la boulette dans le panier, puis là, t'as une autre personne qui prend la crise de la même boulette. Puis là, à la fin, tout le monde est « Tabarnak, c'est qui a fait ça? » Puis là, t'es comme « Ah! » Ça fait des malaises. Fait que dans le fond, t'es un enfoiré. C'est ça, c'est pas un malaise. C'est un malaise parce que t'es comme « Ben, c'est un genre de malaise, mais pas un malaise genre « Hey, tu sais la fois que ta mère a embrassé le whatever, tu sais, le vidangeur. » Le Père Noël. Et puis son mari est direct à côté. OK. Un genre de malaise. Ça prend des malaises. OK, qu'est-ce que ça prend pas dans un jeu de party? C'est quoi un faux pas de jeu de party, là? Des crises de bouts longs de concentration, comme deux autistes qui jouent aux échecs, pis là, il y en a un, il dit, attends, là, je pense à mon coup. Ça prend 1h30, genre, avant qu'il joue. Faut que ça bouge. Faut que le party reste. Pas trop cérébral. Pas trop autiste, là. Juste moi, je trouve des règles compliquées. Tout le monde est dans le fun. Ouais. Faut que ça soit simple. Faut que si ça soit des règles compliquées, faut que ça soit un jeu que les gens ont déjà joué avant. Ouais, comme ça, tu sors pas zombicide, mais tu peux facilement expliquer à quelqu'un, genre, fais-moi un dessin, même s'il a jamais joué. C'est genre, moi, je dessine de quoi, t'essaies de deviner c'est quoi. Ou moi, dans ma famille, de côté de ma mère, ils jouaient à des jeux, justement, toute la famille était en rond dans le sol, puis les enfants jouent au Super Nintendo, à Donkey Kong Country, puis les autres, ils mimaient quelque chose, genre, puis... Tu gagnais, tu devinais, bang, c'est toi qui as le point, puis ça toi une mimée de quoi. Puis... Je tiens juste à prendre 30 secondes. On a quelqu'un sur Twitch qui est offusqué parce qu'on a spoilé la mort de Han Solo. Bon. Je pense qu'il remet en contexte dans le sens que j'ai vraiment agi en enfoiré. Mais je l'assume. D'accord, parce que aujourd'hui on spoil Star Wars... On n'a pas spoilé Rogue One. On a spoilé les Force Awakens. Comment tu veux spoiler Rogue One? Techniquement, on spoil Rogue One. Donnie Yen, c'est le père à Rey. Qui? En fait, c'est ça qu'ils disent. Qui? Là, oui, c'est j'ai ça, des rumeurs comme quoi. Que j'ai vu d'aujourd'hui. Jar Jar Binks? Non, mais les non, rumeurs Danny, que j'ai le personnage de Donnie Yen, c'est le père de Rey. C'est qui Donnie? Moi, les rumeurs que j'ai vues, c'est que Jyn Erso, qui est l'actrice principale, serait la mère. De, oui, mais de avec Donnie Yen. Ok, elle, elle aime ça vieux et avec expérience. Mais il est intelligent, c'est un. Fait qu'Eric, qu'est-ce qu'il faut pas dans un jeu de party? Partir des conversations de Star Wars de même. qu'est-ce qu'il faudrait pas? Ben, on l'a déjà dit un peu, les règles compliquées. Faudrait pas. Ben, c'est ça, dans le fond, moi, je pense. Faudrait pas que le jeu soit plate, là. C'est pas compliqué. Faut que ça soit. Mm. Oh, Milter semble illuminé. Un party pooper. Ouais, faudrait pas que... Oui, très bon point. C'est quoi un party pooper? And the survey says... Un douche dans le coin, là, qui fait... Non, mais j'ai pas entendu ce petit jeu, puis il cale ça à la batte 50, genre. Tu l'envoies dehors, ça gelait le cul, pis là, tu sais. C'est plate, c'est moi d'aller écouter les résultats du sport, le 30 décembre, c'est 31 décembre. Calisse, tu parles d'expérience, tout ça. OK, fait que ça prend pas des règles compliquées, ça prend pas un party pooper, ça prend des malaises, ça prend du fun, l'intérêt. La musique, ça en prend. La musique, ça faut. Est-ce pas, que pas pour le jeu. Est-ce pas que le jeu se doit d'être musical? Non, ça c'est vrai par exemple. Okay. Mais je parlais genre dans les affaires qu'il faut, une petite musique d'ambiance en arrière, c'est tout le temps le fun pour garder le monde sur le beat. Oui, j'ai une question pour vous. Oui. Si cette année, en 2016, la personne arrive avec un jeu puis fait comme, hey, tu sais, c'est la personne qui était un peu en retard là. Hey, vous savez pas ce que j'ai acheté, le nouveau jeu là. HeroQuest. C'est vraiment hot. Non, il arrive genre le petit jeu, puis c'est comme, ok, ouais, c'est beau. Ou tu sais, Cards Against Humanity. Ok, c'est beau, c'était cool il y a deux ans. Est-ce que c'est encore cool? Ok, ou est-ce Guillaume, est-ce party pooper, by the way. Non, mais est-ce qu'on la laisse comme... Guillaume, c'est le party pooper. What the fuck, Guillaume? Là, on va trouver le party pooper. T'es-tu là vraiment t'es dire à la famille, le style jeu, c'est tellement à deux ans passé? Non, mais est-ce qu'on y brise sa bulle? Dire, oh, Guillaume, tout le monde connaît le jeu. Deux ans, non, ouais, là, mais en réalité, le but de le style jeu, c'est t'as beau connaître les cartes, c'est l'utilisation des cartes. T'sais, c'est comme... Puis il y a toujours des matantes, des grands-mères vont faire avec. Les Denis de Relais ont fait une expansion, là. Des expansions. Il y en a pas juste ben c'est ça, là, il y en a comme 20 000. Là, moi, j'ai encore à l'Astiger à l'occasion. Mais c'est sûr, je connais certaines cartes, mais la joie de Cards Against Humanity puis l'Astiger, c'est pas ce qui est écrit sur la carte, c'est de quelle crise de manière pervertie, fucking, tu vas utiliser cette carte-là, puis jusqu'à quel point t'es un être humain dépravé. Il y a rien qui empêche d'acheter un petit DLC à tous les ans, là, tu sais, pour la party de famille, quand tu sais que tu reçois le monde, puis que le monde aime bien ça. Un DLC de Denis de Relais. Tu rentres les Denis de Relais, puis le rural là-dedans, ma tante est acquis en crise, puis... Surtout quand ton party de famille est à Joliette. Là. T'es encore plus drôle. Mais on s'entend-tu, tu sais, puis moi, tu m'amènes à une autre question que je voulais vous poser. C'est moi où il y a comme un concours non écrit maintenant en 2016 où, quand tu vas dans un souper ou dans un party, c'est le concours de qui va avoir le jeu le plus obscur, pas connu, cool, que genre, je vais te faire découvrir ça. Ça, là, c'est des parties de hipster, Amy. Ah! Parce que, moi, j'ai pas ça, honnêtement, cette affaire-là. Moi, c'est honnêtement, là, ça fait comme... X nombre de temps que j'arrive, puis hey, t'as pas ça, ce jeu-là, j'ai acheté ça, c'est Spin the Bottle, Kerplunk, and then go dash and dive in the gutter. Je connais ça. Là, c'est comme, Chris, tu joues ça comment, ce jeu-là? Hey, ça, là, tu vas voir, c'est trash en Chris. Puis, c'est une autre dans un gutter en train de te masturber, puis tu meurs. J'allais le dire, t'es dans un bain de glace, il te manque un rein. Mais... Non, mais en réalité, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il y a eu un renouveau du jeu de société. Oui. Tu sais, je vous donne un exemple, tu sais, on va au Geek Fest, j'amène ma blonde, puis ma blonde, de tout ce qu'elle a acheté, c'est des jeux de société. Parce que... Elle aurait pas allé au Randolph à côté de chez nous. C'est comme si elle avait un mini Geek Fest privé juste à elle. Mais sais-tu quoi? Les prix étaient vraiment intéressants, par contre, au Geek Fest. C'était parce que ça coûtait pas cher de se procurer des jeux. Écoute, à dépenser, je pense, c'était 40 ou 60 piastres, puis elle partait avec 3-4 jeux. Dont deux qui sont sur la table présentement. C'était du flamant neuf, c'est juste que... Ils coupent leur margin, ils font profiter, puis ça leur coûte pas trop cher d'être au Geek Fest. C'est quoi, c'est le jeu de... Elle s'est procuré Sushi Dice et Exploding Kittens. Je pensais que c'était un jeu, tu sais, genre Serpent et Échelle érotique. Là. Non, Serpent et Échelle, en passant, dans la famille de ma copine, c'est du serious business. Il faut que tu joues avec ton cœur, sinon tu ne joues pas. Y a-tu des histoires de shooter avec les glissades, quand tu... Ben écoute, ils pourraient en avoir, mais tu sais, ça c'est une autre affaire. Comme, est-ce que... Les jeux classiques sont facilement adaptables en drinking game. Ça dépend. Tu sais, moi, mes parents et mes grands-parents jouaient au toc. J'ai joué au toc aussi également. Mais je vois pas... L'argent. Oh, pas nous autres. Mais mes parents de famille, mon père était policier. Je sais pas si c'était le ça. Le toc, c'est très facile. Mais je sais pas comment tu pourrais mettre ça en drinking game. Toutes les fois que tu te fais manger et que tu vas au paradis, ben tu prends un shooter. Toutes les fois que t'en amènes, ça arrive quand même assez souvent. Toutes les fois que tu piges un house, je suis Eric agite sa bière. Mais non, mais on parle de drinking game. Ouais. Pas besoin de drinking game pour boire. Je suis d'accord. Moi, j'aime pas. Moi, l'affaire que j'ai plus de drinking game, c'est que j'attends que je bouille. Puis là, je suis là, je suis comme, ben, je vais prendre le shot tout de suite. C'est ça, c'est moi, dans les drinking games, je suis le genre de gars c'est qui boit sa bière bien. Quand il est pas obligé. Puis le monde m'arrive, ils sont comme, ben là, tu fais la conséquence sans même. Oh, mais tabarnak, j'aime ça, boire de la bière. Pour moi, c'est pas une pénalité. Tu en parles de drinking game, puis peut-être, je sais pas si on commençait à parler de jeux, mais moi, c'était pas un de mes jeux, mais nous autres, on joue avec ma belle-sœur, mon beau-frère, puis ma femme. On fait souvent du Catan. On joue à Catan. On a toute l'équipe de Catan. Fait que le collectionne la fourrure puis c'est plus pendant c'est plus la négociation. Genre on va toujours mettre une bouteille de fort dans sur la table. Puis la bouteille de fort est là. Puis là on va dire Julie qui est ma femme, elle a besoin du bois. Puis elle sait que j'en ai. Mais moi je vais la regarder, je dis tu quoi? Je vais t'en donner 3, mais faut que tu prennes 2 shots. Eric qui saoule sa femme. Non, même. Mais c'est ça qu'on fait aussi. Là, fait que toi, dans le fond, si tu dis, si tu veux mon bois, faut que tu prennes 2/3 de la bouteille en avant. Là. If hey, you man, want my moi, wood. Là, être dans ma femme, c'est la meilleure place. Le show, ça y est. Chris, on est rendu là pour vrai? Ben, tu t'en allais, là. Non! On a un rating. Tu parlais vraiment du bois. Tu parlais du drinking game. She wants your wood. Ben, je pensais qu'il parlait de bois. C'est pas, ok, ça pouvait être ton coton. C'est notre coton de plus. Non, j'ai dit wood. Puis tu m'as dirigé dans cette direction-là. Tu m'as même fait un clin d'œil. Give me that cotton all over my face. Oh. Sacrament. Ok, time out. On recommence. Drinking game. Ok, fait que drinking game. Bon, ben, justement, Eric a ouvert la porte. Il est très confortable à certains endroits. Mais c'est quoi vos drinking game références, vous autres, dans un party? Bon, moi, ça n'a pas rapport avec un jeu de Noël, là, vraiment. Non, mais c'est pas un jeu de Noël. Mon premier drinking game que j'ai essayé dans ma vie et que j'ai découvert, si on peut dire, avec ça, c'est, je pense, un classique de mon époque, quand j'étais au secondaire. C'était les Schtroumpfs. Oh, fuck. Nous, on faisait ça avec Samuel L. Jackson, puis Mathieu Tremblay-Lafond dans son sol. Moi, je trouve que rien, vous m'avez perdu. À chaque fois qu'il dit, le Smurf, c'est Rick. Non, je connais le Smurf. À chaque fois qu'il dit Smurf ou Schtroumpf, tu bois. Faut que tu bourres une gorgée. Puis la version du Stein Plus, quand il dit Grand Schtroumpf, faut que tu cales le restant de la bière que t'as. Fait que, à la fin d'un épisode d'une demi-heure, t'as bu peut-être 7 bières. Ou tu peux faire la même affaire qu'un film de Samuel L. Jackson, ou de Quentin Tarantino, puis à chaque fois qu'il dit fuck. Ouais, Scarface, toi, fois qu'il dit fuck, tu peux engorger. Ouais. Mais sinon, en jeu de bière, André va s'en rappeler, dans nos parties de banlieue à Laval, nous, c'était le 25 cents. Oui. Ah, gambling. On a scrappé. Non, ça n'a rien à voir avec le gambling. Tu flippé le 25 cents. C'est, en fait, t'as des tables. T'as des tables. C'est comme avec des verres. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu le fais. Oh, bon, je ne le ferai pas sa belle table en bois mou de André, mais tu prends un 25 cents, faut que tu le fasses rebondir à plat pour qu'il flippe dans le verre de l'autre. Et on avait un de nos amis qui, plus qu'il était sous, meilleur il était. Et il décrissait tout le monde. Charlotte à GF. Incluant les tables. Oui, et le running gag, c'était à la fin du party, le lendemain matin, quand on se réveillait, c'était genre voir à quel point on avait décalissé une table. Fallait parce qu'il vernir avait comme les tables. Donc, on amenait une planche... de plexi ou de verre ou de quelque chose de dur pour bon des fois une planche, je me rappelle avoir fait ça avec une planche de toc qu'on virait à l'envers pour justement épargner la table, mais le 25 cents est un classique. Hey, tu m'as juste fait penser à quoi avec le 25 cents. Quand vous étiez au secondaire, on a à peu près tous le même âge, y a-tu une mode vraiment stupide là? Moi j'ai jamais embarqué là-dedans, je regardais le monde puis j'étais là comme astique, vous êtes câble genre. C'était de mettre tes deux jointures sur une table. Ouais, puis tu flippais un 25 cents, ces jointures. Tu flippais le 25 cents dans les jointures. Ouais. Puis, hostie, quel monde était câble. Ils se décollissaient tous les doigts, hostie, le monde. Puis, il y a du monde qui avait trouvé le truc pour te le swinguer en tabarnak, le 25 cents. Mais ça, j'ai jamais catché ça. C'était un peu... C'était mazo comme... Oui, c'était très mazo. C'était comme, je suis capable de résister. C'est comme, ben, c'est sûr que t'es capable de résister. C'est un coup tac. Là, c'est 25 cents, c'est une jointure. Là, sauf qu'il rentrait en hostie, puis le monde, il y avait toutes les jointures coupées, genre, puis tout. Puis, j'étais comme, c'est quoi, là? Je vois pas ça, moi. Moi non mais c'est la mode tu mais j'ai vu des ça. Gens moi, je voyais le monde participer là, à ce type à ça, d'activité là que vous êtes marrons mais c'est juste le 26 ça m'a fait penser on à ça bon, ça par rapport avec un drinking game une bonne suggestion du public iChuck qui dit j'ai jamais Ou jamais, jamais jeûné. Là. J'avoue que j'ai jamais ouais. est un bon drinking game. Qui peut créer des malaises. Mais qui n'est pas, pas nécessairement avec sa famille. Familial. C'est ça. C'est j'ai sûr. Jamais... Mais c'est parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va tout de suite partir avec « J'ai jamais fait un trip à trois avec huit gars. » On a besoin d'un trip à neuf d'habitude. Ouais, mais... c'est ça. La thématique. Là. C'est gars. Moi, c'est tout le temps à trois. Dans ma tête, je parle. En tout cas, c'est pas... Laissez faire ça. Parce qu'il y a juste deux mains, tu sais. Mais tu catches ce que je veux dire, tu sais. Il y a tout le temps le quelqu'un qui va dire ça. Fait que là, c'est comme, OK, mon oncle, tes astis de questions, là, tout de suite, là. Tu sais, c'est comme, on n'est pas obligé, là. Oui, moi, j'ai déjà, c'est-tu dans un party de famille? Ou un party avec quelqu'un, un genre de party pooper? Mais tu sais, quelqu'un qui, je pense, au cégep. C'est comme, jamais, jamais jeûné ou jamais, tu sais, pris un élan au mini-pot, là. Tu sais, comme, tout le monde regarde, c'est comme, c'est, ouais, mais c'est là qu'on voit le niveau de wild qui est comme différent un peu. Tu sais, t'as des gens, tu sais, c'est que j'ai jamais traversé la rue, pas une lumière, pis là, c'est wouh! Pis là, c'est comme le gros happening, pis t'as un autre, tu dis, j'ai jamais fait du crystal meth sur le cul d'une pute en Thaïlande. C'est ça. Pis t'en as tout le temps un aussi qui va, tu sais, de quoi, tu sais, genre, un peu comme toi, là, j'ai jamais fait du crystal meth en prenant trois BBC d'une shot, genre. Puis il te regarde, puis il est bourré. C'est ça. Puis t'es comme... Ouais, mais tu on s'entend-tu? Dire que t'as pris trois grosses graines noires. C'est ça. Ce jeu-là, j'ai jamais... T'as trois types de personnes qui jouent à ça. T'as le monde normal les qui joue à ça. Les homosexuels. Puis t'as le monde qui veulent vraiment avouer leur mauvais coup, puis c'est comme un exutoire. Là. Ouais. C'est comme, hey, j'ai jamais... Oui! Fait que j'ai jamais volé un char, puis mis le feu. Les bois à bière, tout le monde le regarde c'est comme ça. Oh! Puis, oh! Fait que tu sais, lui, c'est sa manière de sortir. Ouais, mais son plate, parce qu'il n'a même pas besoin de leur dire tranche de vie à eux autres après. Effectivement. Moi, il y a un jeu que je jouais étant plus jeune, puis c'est justement, c'est relié un peu aux jeux vidéo aussi également, mais j'ai un drinking game de GoldenEye au 64. Qui était quand même assez excellent. Premièrement, Arcade Montréal devrait prendre des notes. Arcade Montréal, on vous invite à aller faire le drinking game de GoldenEye 64 à Arcade Montréal ou chez vous, peu importe, c'est selon. Mais premièrement, ben c'est une game de GoldenEye. Fait que tout le monde va jouer, tout le monde embarque, tout le monde a la manette dans les mains. Premièrement, le premier qui prend un job, tu prends un asti shooter. Fuck you, Chris de cheater, de merde, de nain sale qu'il faut que je te tire dans les genoux pour que tu meurs. Il est facile à tirer dans la tête, par exemple. T'as même pas besoin de bouger tant que ça. Ouais, mais pareil. Mais il mérite un shooter. Il mérite un shooter de retard partant. Suite à ça, t'as le golden gun, shooter automatique. Fuck you. Si t'es supposé avoir le meilleur gun du jeu, là, ben man, tu vas te faire shotter. Rocket launcher, golden gun, là, c'est un shooter automatique. Après ça, à chaque fois que tu crèves, tu prends une gorgée de bière. Fait que, tu sais, ça, GoldenEye, honnêtement, ça y allait quand même au toast avec ça. C'était une belle soirée bien enroulée. J'ai fait des recherches aujourd'hui. J'ai été sur Google et j'ai marqué Geek Drinking Game, comme Eric et Milter doivent être en train de le faire sur leur cellulaire. J'ai regardé Geek Drinking Game, puis il y en a un qui est ressorti que j'ai trouvé assez écœurant. C'était le Mario Kart Drinking Game. Fait que, ça se joue avec Mario Kart au 64 également. Puis celui-là, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Bon. Tout le monde fait une course de Mario Kart. Fait que tout le monde a une manette dans les mains. Deuxièmement... Donc, ça se joue à 4. Ça se joue à 4. Deuxièmement, t'as une bière aussi également. Et le but, c'est le premier qui finit sa bière sans jamais lâcher la manette. Fait que faut que tu fasses ta course en tenant ta manette, puis faut que tu chugues en même temps. Mais tu peux lâcher une main de la manette? Ben, tu peux lâcher une main de la manette, mais faut que tu continues d'avancer, puis faut que tu joues à Mario Kart. Fait que faut que tu trouves un moyen de faut pas chauffer. Faut que les deux mains soient toujours sur la manette. Exactement. Juste une. T'as au moins tout le temps une main sur la manette pour faire avancer, pour faire la course, puis faut que tu teintes ta bière en même temps. Puis après ça, ben justement... Faut ben, que tu là, gagnes tu en plus. Ben, si tu gagnes, c'est le premier qui arrive, puis qui réussit à caler sa bière sans jamais arrêter de courser. Il gagne. Moi, je m'attendais à quelque chose, genre, easy. Tu finis 12e, c'est 12 shooters, tu finis premier, c'est un shooter, mais ton affaire, c'est un petit peu plus, il y a du skills aussi, là. Ben, il y a du skills, en réalité, c'est surtout, la première course incorrecte, la deuxième, course, c'est un peu cross-side. Ben, c'est ça. Moi, on a fait un peu parler, là, j'aime pas les jeux de de drinking game. Pourquoi t'aimes pas les jeux de drinking parce game? Parce que ça limite la, la boisson. Ben, Eric, c'est toi, on t'a pas entendu, mais dans nord de l'Ontario, c'est quoi qui se passait comme drinking game? À part gambler, là. Non, mais on boit. On fait juste boire. À part jouer au poker pour des CSN avec ta grand-mère. Pour boire, là. On a pas besoin de, comme, fuck, de te saouler. Tu bois. Ouais, mais tu bois en plus de ça, genre. Ouais, mais j'aurais bu comme, ok, fait que tu comptes, fait que c'est les deux. Moi, les jeux de shooter, là, qui parlent, là, ben, j'ai une bière dans les mains, pareil, là. Pour diluer le shooter. Ouais, non, mais un autre jeu geek qui était sorti, c'était le Geek Quidditch Beer Pong. Fait qu'il y avait, okay, beer fait pong, des gens de cerceaux dans le milieu. Mais quand pong, quoi, quand t'avais comme le Quidditch. Inclus, c'est comme nerd un peu. Là. Ben, ouais, ben c'est ça. Mais ça, j'ai trouvé que c'était trop d'effort. Honnêtement, moi, je vais dans un party puis quelqu'un me dit on joue au Quidditch Beer Pong. Il sort ses cerceaux puis ça balle avec des plumes puis des affaires à la main. Premièrement, tes plumes dans ma bière va chier. Puis deuxièmement, t'as fait l'effort de d'avoir des cerceaux pis fuck off. Oh, mais si tu t'es dans une ligue de Quidditch amateur pis que c'est ton party d'amis Quidditch, là ça peut être cool, tu sais. Fait qu'eux autres boivent du beach snap. Tu sais, pour les gens 12 personnes. Au Québec. Au Québec, qui a un potentiel de reach, probablement 0.01 de ces personnes-là nous écoutent présentement. Pourrait. Il manque un zéro, je pense. C'est crédible. Mais le reste du monde s'en calisse. Excusez, là. Fait que là, bon, ben, on a assez déraillé sur les drinking games. Je peux-tu en dire un qui n'est pas un drinking game? Vas-y. Moi, j'ai joué dans un... On buvait normalement, Eric, dans une place. Là, t'as l'attention d'Eric. C'était un party de Joe Dallal. Fait que, tu sais, le but, c'était... Comment je peux dire ça? T'as du monde que tu connais pas. Tu sais, t'arrives en quelque part, oui, je connais la moitié du monde, mais tu sais, il y a du monde de la famille, de l'autre, tu sais, ouais, des affaires de même, tu connais pas, mais c'était tout du monde quand même cool, des amis jeunes, là. Puis le jeu, c'est, je pense, c'est « Je te gage que », le titre, le nom, en tout cas. Puis quand t'arrives, ben, nous autres, c'est Valérie, l'hôtesse, elle nous accueille, puis là, « Hey, salut, nanana, donnez-moi vos manteaux, tout », puis elle nous refile une carte, au hasard, elle a un paquet, genre. Puis là, elle nous dit tout de suite, elle dit... Ça, c'était trois défis de la soirée. Faut que t'es fasses. Puis, je me souviens plus exactement comment ça marche, mais si, genre, tu l'as, tu prends comme la carte à quelqu'un d'autre ou whatever, genre, là, ou... Non, c'est si... OK, non. T'as tes trois défis, puis c'est genre... T'as bien fucké ta soirée de Meurtre et Mystère. Non, non, mais c'est t'as trois défis, puis il y en a un, ça peut être plugger le mot « mitaine au four » dans une discussion. Tu sais, ou l'autre, c'est te mettre à chanter la bamba, mais tu sais, faut que ça a de l'air... Ben, c'est la fesse de la grand-mère. Faut que ça a de l'air naturel, dans le sens que t'es pas en train de parler avec quelqu'un, puis comme, hey, salut, moi, c'est André, nanana, ba, ba, bamba, tu sais, puis le monde va dire, OK, c'est un de tes défis, là, tu sais, parce que tout le monde est informé du jeu en rentrant. Fait que si tu call out quelqu'un, tu gagnes sa carte pour dire, moi, j'ai trouvé telle personne, je l'ai démasqué. Oui, c'est sûr. Parce que si tu call out pis c'est un fail, c'est pas pareil. C'est ça. Fait que là, il y a du monde qui call out des affaires, puis comme Guillaume dit, il y en a qui sont stratégiques, qui font des niaiseries, qui sont pas ses cartes. Fait que le monde dit, mais pourquoi qu'il est en train de faire du breakdance, certains dans le salon, puis il y a quelqu'un qui call out, ah, fais du breakdance, certains, est-ce que, ben, pas, c'est... Puis il monte sa carte, je faisais ça pour rien. Mais tu sais, des fois, c'est plugué un mot, fait que tu parles à quelqu'un que tu connais pas, puis tu dis, ah, moi, je trippe, c'est mitaine au faux, de faux, puis je n'ai plein chez nous, puis tout, puis eux autres sont comme, OK, il est juste fucké, ce gars-là, genre. Puis, dans le fond, ben, t'as fait un de tes défis. Fait que tu le coches, ta liste, pis c'est comme... Mais ça, c'est pas mauvais comme jeu, parce que c'est super cool. C'est interaction sociale, c'est drôle, parce qu'il y a tout le temps quelque chose d'un peu plus, sans être over the top, malaisant, mais il y a tout le temps quelque chose comme... Justement, là, tu sais, sortir des, avoir un rouleau de papier de toilette entouré autour de toi. Hey. Fait que tu vas aux toilettes, tu ressors, t'as un rouleau de papier de toilette, le monde, il va y être sous. Puis, on pourrait faire une version qui va parler à Eric. Tout le monde, quand tu reçois tes trois cartes, ils valent 2$ chaque. Puis tout le monde met 2$ dans le pot. Fait que celui qui gagne à la soirée, il gagne du cash. Eric, ça te parle dessus, ça. Puis si tu bois pas, puis tu peux boire de façon illimitée. Ouais. Fait que tu bois autant que tu veux, puis tu peux gagner le pot. Fait que là, ça, c'est comme l'ultimate party game. Ça m'intéresse. Hein? Tu gagnes du pot? Non, le pot. Le pot. Le pot. Excusez. Fait que c'est ça. On se trompe de déterminant. Peux-tu mettre du pot dans le pot? Tu fais qu'est-ce que tu veux dans tes parties de famille, j'imagine. Ouais. Dans tes événements festifs qui ne sont pas endossés par les opinions du collectif, ça n'est pas tu peux faire exactement si tu fais ce que tu party veux. En Californie ou au Colorado aussi. Un meeting c'est-tu politique. La même affaire, sauf que tout le monde met leur clé de char dans un bocal en rentrant? Aussi. Non, oui. Ça, c'est un party un petit peu différent. Ça se passait beaucoup des années 70, par contre. OK. Tu vois, ta moustache là, que tu avais, là, ça aurait fité parfaitement ça, dans ça, ces, c'est pas pour dans que ces parties-là. Il conduit pas après qu'il ait bu. C'est, moi, c'est ça que j'essaie de dire. Moi, je pensais que c'était ça. Ben, moi, je parlais d'un taxi deux têtes, comme à Mont-Laurier. Quand mes parents droppaient leur clé dans les pots au début des soirées, quand j'allais dans le sous-sol jouer avec tous les autres enfants que je connaissais pas. Oui. Puis c'était super le fun, ces parties-là, parce qu'il y a plein de matelas partout. Tu pouvais dormir où tu voulais. C'est vrai. Puis... ouais, c'était confortable. C'était fun à dormir tout seul. Ça prend bien des leçons de vie. Notre TV cathodique, pas de câble. Mais il y avait avec un la Nintendo. Question, il est où le lubrifiant? Tu te poses pourquoi? Pourquoi il y a un Sega, pas de manette? Les manettes sont collantes. Ils sont où? Non, il n'y en a juste pas. Donc, André, tu me disais qu'on finissait sur les drinking games, donc j'imagine qu'il y avait d'autres type de jeu. D'autres types de jeux que des jeux d'alcool. Certainement, Guillaume, je t'invite à reprendre la barre de l'émission pendant que je sombre dans un désespoir profond. Mais moi, j'ai regardé les jeux que tu nous avais amenés, puis tu sais, il y en a un qui me saute tout de suite à l'esprit, c'est les fameux la fameuse trend des jeux de socio-financement. Oui. On avait Cards Against Humanity, Exploding Kitten, qui sont des jeux très... On parle-tu de nos jeux? Entre autres, là. Ben moi, je m'inspire de ce qui est dans ma face en ce moment. Ben c'est les jeux que t'as apportés que tu as parlé de ça, non? De mais ceux d'André, il y a des ceux que moi j'ai amenés aussi. J'ai remarqué ça, il y a un trend justement de jeux basés avec des cartes qui sont justement un learning curve très rapide, très court et qui permet justement un peu à tout le monde de participer. Exploding Kitten en est un, Card Against Humanity en est un, et la fesse droite, le style de jeu. Moi, j'avais amené Timeline, qui est un peu le même principe, c'est des cartes, puis il faut que tu t'essayes de placer des trucs dans une ligne du temps, ce qui est... OK, fait que toi, ton idée d'un jeu le fun, c'est de classer des choses. Non, pas nécessairement classer, c'est juste, c'est comme... le Timeline, c'est le fun parce que tu peux genre dire « Ah, t'es comme idiot », ou l'autre « Ah, t'es comme intelligent », genre. Mais non, en effet, je fais pas ça pour ça pantoute, là. Mais c'est juste, dans le fond, le type de jeu, c'est-à-dire, exemple, Timeline, c'est t'as des cartes qui représentent soit des inventions, soit des... T'as des timelines, exemple, sur des albums de musique, t'as des timelines de différents thèmes. Puis faut que tu les places en ordre chronologique, puis mettons que... T'as la domestication du bœuf, puis aller sur Mars. On s'entend que le range est assez grand, c'est que tu peux facilement trouver quelque chose qui est entre les deux. Mais quand t'es, mettons, l'industrialisation du micro-ondes, puis l'invention de la calculatrice, là, t'as peut-être comme moins de gaps. C'est que ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est des jeux qui sont faciles à commencer. Ça revient chercher ce que Eric disait au début. Cher ou Jonathan, peut-être. Parce que t'as pas besoin d'avoir des explications là à n'en plus finir un peu à la zombicide, ou ce que... Ça prend genre 10 secondes à expliquer, puis à part peut-être des fois les jeux comme Cards Against Humanity qui sont peut-être un peu plus vulgaires, tu sais, je peux jouer avec n'importe qui a un minimum de connaissances, là, sans nécessairement être un doctorat en histoire de l'humanité. Mais ce que je me rends compte, c'est que dans cette trend-là de jeu de cartes, le ratio facilité et les règles, c'est quand même très difficile à balancer. Parce que je te donne un exemple. Moi, les deux jeux que j'ai ce soir, c'est deux jeux que ma copine s'est procuré, qu'elle a laissé ici, puis par l'occasion, je les ai, puis des fois, on joue avec les gens. Sushi Dice, puis Exploding Kittens. Exploding Kittens, socio-financement, ça a pogné au bout. Il y a un paquet de gens qui se l'ont procuré. C'est le fun, Exploding Kittens, mais le learning curve versus l'intérêt... Nous, on aurait du fun avec ça parce que c'est très internet culture. Tu sais, c'est des chats, puis là, t'as Lazy Cat, Fat Cat, t'as l'affaire, puis ça pogne au bout. Mais tu vois, dans le monde normal, la vie quotidienne, les gens de l'entourage, Sushi Dice a pogné plus que Exploding Kittens. Sauf par contre, Sushi Dice frôle une genre de zone où c'est facile à apprendre à jouer, tu sais. Tu flippes des cartes, puis il y a 5 assiettes de sushi. Les 5 assiettes de sushi, ben, sont populées de soit le sushi vert, le sushi rose, le bleu, le whatever. Puis, tu pitches des dés. Fait que chacun des joueurs ont 5 dés. Tu les pitches, puis tu essaies de faire l'assiette le plus vite possible en flippant tes dés. Sauf que tu as des dés que tu flippes, qui a un symbole X. Puis, en réalité, quelqu'un peut te forcer à rerouler tes dés au complet quand il te voit frapper ce logo-là. Fait que c'est quelque chose qui s'apprend vite, qui se fait vite. Il y a une cloche, ça va vite. Tu sais, ça se joue, c'est facile, puis ça occupe au moins une demi-heure d'un souper. C'est des jeux qui durent pas tout le temps longtemps. Comme ben, c'est ça. Exploding Kittens, honnêtement, ça peut 15 minutes. Ça peut aller vite, là. La game peut aller vite. Ça peut aller vite, mais le learning curve est quand même assez élevé d'Exploding Kittens. Je me suis rendu compte que t'as beaucoup de gens qui ont fait comme, OK, explique les règlements. Ah, je con... Puis là, t'as tout le temps la phrase cliché du gars qui amène un jeu de société ou la fille qui amène un jeu de société dans un party, c'est « On va faire une ronde de pratique, vous allez comprendre. » Puis tu finis tout le temps ta ronde de pratique. Prends une heure, cette ronde-là. Ça a pris une heure, le monde a compris, tout croche, tout le kit. Fait que Exploding Kittens, il est le fun, mais il requiert un peu d'investissement personnel, puis une crowd qui est enclin à vouloir jouer à Exploding Kittens. Sushi Dice, n'importe qui embarque, c'est rapide, ça se fait, puis il n'y a pas de problème. J'ai pas sorti de Stitcher, c'est un cliché, mais là, Stitcher, moi, je pense que c'est encore relevant dans les parties. C'est encore relevant avec une gang d'amis. La seule affaire, c'est que si à chaque semaine, t'as la même gang d'amis chez vous, puis à chaque semaine, vous jouez à Stitcher, là, ça perd son charme, mais parce justement, que on connaît les amis. Ça-là, ça relevant à un party de Noël. Ouais. Il y a plein de monde dans la famille qui n'ont jamais joué, puis il n'y a rien de plus drôle que voir la grand-mère qui joue jamais à ces petits jeux-là, puis qui est en train de dire des affaires absolument fucking drôles. Il faut que la personne ait un minimum d'ouverture d'esprit. Si on a une famille de social justice warriors, ça va mal aller, là. Mais dis-tu quoi? Fuck cette famille-là. Puis c'est ça. Ouais, mais t'as choisi pas nécessairement ta famille. Tu nais avec. Ouais, mais tu t'es forcé. Ouais, mais t'es capable de forcer ces affaires-là. Oui, non, je dis pas que c'est le cas de ma famille, mais je dis, il y en a, on en connaît des gens qui sont comme... Oh. C'est bien vulgaire. Tu vois, c'est ce monde-là que je veux en train de jouer le jeu avec la famille avec une petite brosse. Mais ça va tout finir en party pooper. Non, ben si oui, ben on le décalisse dehors, c'est tout. Puis il va se faire, il va arrêter de jouer. Mais il y a du monde, il y a du monde qui vont s'auto. Il y a du monde qui vont s'auto-isoler des jeux aussi. T'sais, moi, je vous donne un exemple là, t'sais, cliché. Très, si vous êtes né dans les années 80, ça vous arrive, c'est sûr et certain. Il y a un moment où tout le monde joue à un jeu de société, puis là, souvent c'est un oncle, votre père ou n'importe quoi. S'endosse. Puis là, mané, il fait comme, bon, m'en aller écouter le bye-bye. Puis là, il se lève, il s'en va dans le salon, ou il va écouter la TV ou quoi, puis il s'endort dans le couch, ou il s'isole des gens dans la cuisine. Fait que c'est toujours quelqu'un dans la famille qui va faire ça au moins. Moi, je vais juste mettre en circonstance, j'ai grandi dans une famille de déneigeurs commerciaux. C'est que tous mes oncles, au complet, dormaient à Noël. Pas parce qu'ils voulaient s'isoler, juste parce qu'ils étaient crevés, parce que c'était genre 48 heures qu'ils travaillaient d'affilée. Probablement le seul moment qu'ils peuvent dormir. Exact. Moi, je suis curieux, vous, vos jeux, messieurs, ça serait quoi exactement? Moi, j'avais tantôt, je te gâche que, c'était un que j'avais un peu préparé là, pour ça. Sinon, c'est un jeu vidéo, un jeu que tu peux facilement transformer en drinking game, d'après moi. C'est un jeu que j'ai acheté dernièrement. Je l'ai acheté en pensant au WEG. Oh. En me disant que c'est un jeu, il y a du 4 player, local, multiplayer, tu peux jouer tout seul aussi. Ça s'appelle Stick Bold. OK. Dodgeball Adventure. OK. Fait en gros, c'est un jeu qui se passe dans les années 70. Il m'a coûté 2,5 piastres le jeu. OK. Seulement en spécial. Puis il vient avec une histoire en plus. Il vient avec une histoire, multiplayer, malade, tout. Wow. Dans le fond, il vaut 10 piastres, je pense, là, mais il est en spécial, je l'ai acheté. Puis c'est carrément un jeu que t'es des équipes de deux, tu joues à quatre, des fois il y a plus d'ennemis puis tout, mais t'as un jeu de ballon chasseur. OK. Il y a un ballon, puis tu le pitches, ça joue un peu comme un twin stick shooter, mais contre du vrai monde. Un genre de Windjammers, mais avec un ballon. Ouais, mais que tu bouges, là, t'sais, le but c'est pas de faire un pong, là, t'sais, c'est carrément de pogner l'autre gars. Puis, tu sais, tu peux charge ton ballon, tu sais, des petites affaires de même. Il y a des petits obstacles, des fois, pour faire un rebound sur le mur, tu sais. Il y a un petit peu de stratégie, puis tout. Puis, j'ai eu le feeling, quand je jouais à ça, un peu à la Overcooked, mais avec un petit côté compétitif qui est le fun dans un party de Noël aussi. Tu sais, t'es contre tes deux cousins, puis, tu sais, ah ouais, on niaise, on fait quelque chose, on change de team. Tandis qu'un jeu comme Overcooked, qui est malade, c'est vraiment co-op, puis c'est du niaisage de on se bitch entre nous autres parce que t'es pas bon à couper des piments, tu sais, ou de quoi. Ouais. Mais là, c'est plus une compétition. Si vous êtes 8, tu fais un tournoi, tu sais. En passant, si jamais Eric est dans un de vos parties, puis il vous demande à jouer à Overcooked, là, trustez-le pas. Il veut juste vous voir se pogner avec quelqu'un. Et puis il va avoir qu'il est arrivé. Ben, Eric est l'huile sur le feu. C'était pour être une de mes suggestions. Mais non, mais c'est ça, vas-y, là. Segway. Ben, parce que... moi, dans mes jeux, il y a Overcooked, naturellement, que j'en parlais de faire un petit bout, là. Puis, ce jeu-là, c'est un de mes coups de cœur, quand même, là, à jouer à la gang. Mais Mais t'as-tu vu toutes les expansions qui ont sorti? Ouais, il y en a sorti une en plus de Holiday Special. Il y en a une de Noël, il y en a sorti une autre, en tout cas, pour le monde qui aime ça. Là. Mais vraiment, pis ça fait juste mettre d'autres recettes, pis c'est vraiment d'autres tableaux, simple. Tout le monde le comprend, le jeu, ça prend vraiment pas du temps. Mais dans, en restant dans l'optique des jeux vidéo, un que je trouve qui est excellent pour le temps des fêtes, c'est toute la série You Don't Know Jack. Oui, le Jackbox Games qui ont fait, qui fonctionne un petit peu à la Kahoot. Si tu travailles dans le milieu des ventes, t'as un rep qui t'a montré une version de Kahoot à quelque part. Mais c'est ça, tout le monde. Pichan Gourde dans Stainless Steel avec un branding d'une compagnie dessus. C'est ça, exactement. Ouais, combien de milliampères la batterie, v'là ta gourde. Mais pour expliquer, You Don't Know Jack, c'est une franchise qui existe depuis des années. Puis même originalement, ouais, je sais, je voulais faire une nouvelle, mais je vais pas le faire. Damn. Mais ça, c'est une série que je joue depuis PlayStation. C'était une des premières vraiment cool talk show game quiz qui était vraiment le fun. T'avais Cookie Masterson, le merveilleux host qui était toujours vraiment drôle, puis disait des lignes drôles, puis c'était des questions vraiment absurdes. Mais voilà une couple d'années, Jackbox Studios, I guess qu'il y avait encore un peu de jus, ils ont sorti qu'est-ce qu'il y a à Box Game, qui a You Don't Know Jack dedans, qui joue à 4 joueurs, mais a plein d'autres affaires, puis c'est très simple. Tout le monde a un cellulaire, tu pars le jeu, tout le monde sur leur browser aille sur jackbox.tv, ils rentrent le nom de la salle qui va être écrit sur le jeu, tu rentres ton nom, tout le monde met des noms drôles, tout le monde s'embarque dedans, puis c'est jusqu'à 8 joueurs. Puis un de mes coups préférés dans ça, c'est Fibbage, qui est vraiment le fun. Puis Fibbage, c'est pas compliqué, ça pose une question impossible, puis tout le monde faut qu'il invente une réponse à cette question-là. Fait que là, on embarque un peu dans la zone de qu'est-ce qu'on vit souvent dans Cards Against Humanity ou même le style de jeu, où ce que tout le monde va mettre des astuces magrées. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu mènes qu'est-ce que tu penses va être la réponse, puis après ça, le monde doit choisir c'est quoi la bonne réponse. Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que oui, tu gagnes si tu pognes du monde avec ta mauvaise réponse. Oui, tu gagnes des points si t'as la bonne réponse. Puis tu gagnes aussi des points, des thumb-up, que moi je trouve devient tout un autre metagame dans le jeu, où est-ce que si tu fais une réponse drôle, mais tu reçois des thumb-up. Ils savent, c'est pas un ça. Un peu comme dans Overwatch. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est hot aussi, c'est que oui, il y a juste 8 joueurs qui peuvent jouer. Puis j'utilise Fibbage comme exemple principal, mais il y a plusieurs, comme tu sais, je pourrais nommer Drawful, des affaires comme ça dedans qui sont vraiment le fun. Shout-out au DJ de table qui est devenu un follower. Merci beaucoup. Excellent. C'est tout le fun, tu sais, quand on va au WEG, justement. Mais quand on fait les WEG, on les a faites. Mais dans une grosse environnement où tu as beaucoup de familles qui veulent participer, puis tu as la télé qui est le point central de la maison, tout le monde peut s'embarquer là-dedans. Puis non seulement ça, mais tu peux devenir auditeur aussi. Il y a des jeux qui ont jusqu'à 200 auditeurs dans le jeu. Fait que t'es pas les 8 qui jouent, mais tu peux voter des thumb-up sur les réponses drôles. Donc, on pourrait faire un épisode de Fibbage du collectif puis inviter les un gens... Un gros Twitch. Les gens pourraient faire ça soit avec leur téléphone pour faire des votes. Moi, j'ai pensé, j'ai des idées en tête pour faire ça à Arcade Montréal un jour. C'est des affaires comme ça que je pense qui seraient vraiment intéressantes un jour. Mais pour le temps des fêtes, si tu as une console, si tu as une PS4 ou une Xbox One... Je pense qu'ils sont disponibles sur Steam aussi. Ils sont sûrement disponibles sur Steam. Mais ce jeu-là, tu peux les trouver en spécial. Ils sont rendus à 3. Le troisième vient de sortir. Puis à chaque fois que moi, je le sors avec du monde à la maison, on s'amuse pour aussi longtemps qu'on doit. Il y a plein d'avantages à faire. Ils sont pas chers. Ils sont pas chers. Ben, ils sont 25$ en prix normal. Puis ils tombent souvent à 12-13$ en spécial. Puis tu n'as un tabarouette pour ton argent, puis tout le monde trip bien raide avec ce jeu-là. Fait que moi, c'était ça. Mais je voulais aussi parler d'Overcooked, puis des versions de jeux vidéo. Moi, je suis bien fan de jeux vidéo, parce que le monde peut se rassembler en jeux vidéo. Ça a l'air stupide. Du couch co-op, mais si t'as, même, sais-tu quoi, je vais aller loin en arrière. Là. T'as une Wii. Sors Wii Sports. Mm-hmm. Sors Wii Sports avec toute la famille. Le bowling va toujours fucking marcher. Ça, c'est un jeu intemporel. Que t'as une Wii qui traîne, puis t'as Wii Sports qui traîne, puis t'as une Wiimote qui traîne, crée ça sa télé, le monde vont triper avec le bowling. C'est encore fun en ce moment, ça. Wii Sports Bowling, là, ça sonne stupide, là, mais c'est encore le fun. Dans le pays des cas, les enfants vont se brûler à jouer à ça. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est déjà mieux que leur feeder du whisky. Moi aussi. Mais on parle de jeux vidéo. Moi, j'ai une tendance que j'ai remarqué de plus en plus. C'est l'arrivée de jeux de table. dans des consoles. On voit sur la table, j'ai un Monopoly. On s'entend que de partir d'une game de Monopoly, outre faire de la chicane comme... c'est Eric qui a dit ça au début. Non, c'est pas moi, je trouve juste quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui, en tout cas, qui dit que jouer à Monopoly, ça fait juste faire de la chicane. Parce qu'il y a toujours une interprétation des règlements qui est différente. Puis moi, des fois, je l'ai sur ma 360, puis c'est comme, on va jouer une game de Monopoly, moi, ma blonde. Mais en groupe, ça peut être intéressant parce que ça l'enlève l'espèce de côté interprétation des règlements. Le jeu va se auto-réglementer. Exact, c'est que toi, tu fais juste genre... Qui va genre faire des alliances pour genre banqueroute quelqu'un le plus vite possible, tu sais, puis c'est vraiment drôle parce que tu peux justement te PI sur quelqu'un. Mais moi, une de mes expériences qui m'a le plus marqué dans un jeu de table sur l'ordinateur, sur la console, c'était Risk. On avait décidé de partir une game de Risk au PS3 avec un couple d'amis, je pense, dans un souper. La même gang qui avait avec laquelle on avait essayé de jouer à Zombicide était un peu chaudasse. Puis on se faisait sacrer une volée par l'ordinateur. C'était comme on était 4 contre l'ordi, ou avec l'ordi, en fait. Puis finalement, il restait comme une personne contre l'ordi. Mais c'était quand même intéressant parce que justement, t'as pas besoin de contrôler l'ordinateur, les règlements, puis c'est l'ordinateur qui s'en occupe. Puis après ça, à un moment donné, t'es comme, tout le monde était comme, sortait les conspirations parce que là, l'ordinateur sacrait des volets à tout le monde. Nous, on perdait, mais c'est que ça peut être intéressant. Puis j'ai vu qu'il y avait les Catan qui étaient là, les colons de Catan, Risk, ouais. Monopoly, puis il y en existe plein d'autres. C'était quoi? C'était Hasbro Game Nights, hein? Je sais pas, au 360. Qui ouais, un free to download, puis t'as jeté tout le reste après. Mais je trouve que, puis il y en a de plus en plus. Tu sais, on n'a qu'à penser aussi à Keep Talking and Nobody Will Explode, qui est un jeu un peu à la Overcooked au niveau de la gestion du stress, mais ce qui se joue à moins de personnes, à j'imagine. Deux, mais ou à deux, pas ou dans la même pièce en plus. Ouais, mais c'est des jeux souvent que ça va chercher des concepts un peu de jeu de société, je trouve. Ouais, ouais. Ce qui revient un peu au wow factor de... On cherche toujours à être celui qui va avoir le truc original aussi dans un party. Tu sais, justement, tu fais jouer au monde à Overcooked, tu fais jouer à l'hostie de jeu, là, tu fais jouer je à... Je pense à que le Jackbox va impressionner bien du monde. Ouais. Ou Chris, fais un Kahoot. Ouais, carrément. Comme Kahoot, là, c'est magique. C'est gratuit, même, Kahoot. C'est on gratuit. Peut aller se créer notre propre quiz, on peut aller faire un paquet de trucs tu avec ça. Tu peux apprendre c'est quoi les plans de TELUS. Oui, si tu tombes sur leur quiz. Guys, en récapitulatif, dans le fond, je pense que pour un jeu de party, ben premièrement, c'est le party qu'il va avoir autour aussi. L'important, c'est de s'entourer avec du bon monde, du monde qu'on va avoir du fun avec. Il va y avoir un party pooper qui va être dans le coin. Mais qui va tu sais quoi, je vais adresser le party pooper, puis Guillaume, il l'a lancé un petit peu tantôt. Soit la personne qui pousse le party pooper hors de ses zones de confort. Ouais. Parce que cette personne-là, en grande majorité du temps, va te remercier. Puis moi, je suis cette personne-là. Si, si je suis dans un party de famille, un party de Noël, puis t'as Éric Hébert dans la place, puis toi, tu décides de pas vouloir jouer à un jeu, je vais te faire jouer, je vais m'imposer. C'est très rare que le monde dise non à moi, puis à la fin, ils sont toujours heureux. Je vais te menacer physiquement. J'ai pas besoin, j'ai juste besoin de regarder la personne. Vite comprendre pourquoi Éric adore travailler dans le public, en vente. Je suis un très bon vendeur aussi, mais ceci étant dit, c'est quelque chose que je trouve qu'il faut que tu fasses. Parce que les gens, ils disent non comme automatisme des fois. Ah, mais c'est de s'apprêter au jeu, justement. Puis soyez, donnez la chance aux coureurs. Puis je trouve que ça, c'est un truc qui va peut-être venir un peu plus avec l'âge. Mais quand on est jeune, on aime beaucoup rester... Moi, j'écoute du punk rock, puis c'est du punk rock que j'écoute, puis j'aime ça jouer à telle affaire. Blink 182, c'est ça. Life. Puis, à un moment donné, on ouvre les œillères un peu, puis on découvre d'autres choses. Essayez, tu sais, prêtez-vous au jeu. Vous êtes dans un party, il n'y a pas personne qui est ridicule. Il n'y a rien d'autre à faire, anyway. C'est ça, tu sais. Regarde, prends ton verre, interagis avec le monde. Puis la pire affaire qui va arriver. Puis si t'as goût de boire, attends pas qu'il y ait un jeu pour boire. La pire affaire qui peut arriver avec un jeu comme ça, c'est du fun. Donc, guys, c'était notre épisode sur les jeux de party. Calisse, 45 minutes pile. Faut pas oublier Twister, là. Faut pas oublier Twister. Tout nu avec Madame Terrence. Idéalement, pas avec la famille. Oui, de préférence. Ou pas. Ça dépend de ta famille. Donc, nous sommes Geek Collectif, le podcast. Hi, Mom! Hey, juste bien vite, là, j'ai un détail que j'ai remarqué que je trouve ça drôle. Guillaume, il y a un petit jeu ici de cartes. Oui. Et le jeu de cartes est approuvé CE, qui veut dire qu'il est conforme aux standards de produits électriques et électroniques en Europe. J'ai aucune idée pourquoi c'est un jeu de cartes. La boîte est métallique? Oui. Dude, come on. Ben, tu le plugues pas sur le 120, le jeu de cartes, là? Ben, en tout cas. Mais belle observation, Milter. C'est... Ben, c'est parce que je travaille avec tout ça. T'es-tu genre de spécialiste de la CSST, Milter? Un peu. Donc, nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise francophone sur la culture populaire et populaire. Nous sommes présentement à l'épisode 86 et... On va se rendre à 100. Je suis pas mal sûr qu'on va se rendre à 100, puis c'est intéressant d'être au 86e épisode de la première saison. Guys, on va être de retour dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, ça va vous laisser le temps d'écouter le back catalogue. Et j'ai l'impression que le prochain épisode va être fort intéressant. On va vous donner plus de détails sur la page Facebook que nous vous invitons à suivre à l'instant. Donc, facebook.com/geekcollectif, le podcast. Ça va être un spécial sur toutes les morts de 2016. Peut-être pas juste ça, mais peut-être que ça va avoir... De 8 heures. Et je pense qu'on va broyer en masse si on fait un épisode sur les morts de 2016. Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te rejoint où? Cette semaine, on va aller avec Facebook. OK. Facebook.com/guillaume.ml, je crois. Bon, ben cool. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi? Cette semaine, on va y aller avec Xbox et PlayStation Network, Milter187, sur les deux. Pour aller trouver ton hater dans Let It Die. Venez trouver mon hater. Et battre tes records de Dead Rising 4. Jouer à Dead Rising 4 avec moi en multiplayer co-op pour perdre tous vos survivors en solo. Eric, les gens qui voudraient peut-être jouer avec toi. Moi, c'est Montréalien, Montréal IEN, pas mal sur toutes les plateformes, là, Facebook, Twitter, les forums, les jeux vidéo, Xbox, PSN. Tout le kit, là. Les sites de nouvelles de gaming. Ouais, exactement. Google Montréalien, puis j'apparais là-dedans. Puis Arcade Montréal, chaque vendredi maintenant. Oh. Merveilleux. Pour les gens qui voudraient partager des moments de leur vie avec moi, ben moi, c'est Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, etc. Ajoutez-moi sur PSN ces temps-ci, on va aller jouer à Let It Die ensemble. Puis j'ai l'impression que je vais passer un petit peu de temps sur le mode de Noël d'Overwatch qui débutait aujourd'hui. Fait qu'on va aller découvrir ça ressemble à quoi. Il y a des beaux nouveaux skins, toute la kit. C'est donc, juste les skins? Il n'y a pas juste des skins, il y a un mode aussi qui vont sortir pour le temps des fêtes. Je ne sais pas c'est quoi encore. C'est le Winter's Bash. On va se faire un Broverwatch dans pas long. Donc rajoutez-moi, je pense que c'est 1-2-8-1. Uzumaki QC 1-2-8-1 sur. C'est-tu exclusif aux consoles, ça? Il a c'est console et PC. OK. Donc c'est les deux modes. Je joue principalement sur PC, malgré que j'ai commencé à jouer sur console aussi également. J'avais des amis qui n'avaient pas de PC, donc je voulais jouer à Overwatch avec eux autres. Donc, guys, Geek Collectif, le podcast, c'est quoi? Ben, c'est un podcast gratuit sur Internet, www.geekcollectif.com. Le podcast est gratuit, on essaie de le conserver comme ça, puis une manière de nous soutenir dans nos démarches et de nous aider à conserver les lumières allumées à chaque semaine, c'est d'aller sur patreon.com/geekcollectif. Chaque don, chaque scène nous aide à améliorer le contenu et ça fait déjà 4 ans qu'on fait ça et on prévoit le continuer pendant encore plusieurs belles années. Donc, mesdames et messieurs, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir sur Twitch et sur Facebook et on se revoit dans 2 semaines. Yes, tapez les mains. All right. Woo!